Le plan de cette semaine à Assemblage Requiche. On se commandera une double portion de nouvelles de fast-food dans une grosse pointe d'adresse et on dépensera deux fois notre budget sur des gadgets inutiles dans Ça existe, ça ne devrait pas là. Assemblage Requiche commence tout de suite. Assemblage Requiche pour toi, aujourd'hui. Assemblage Requiche pour toi, aujourd'hui. Assemblage Requiche pour la semaine du 23 mai 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudet. Et c'est sur la musique d'Assemblage Requiche remaniée par Renard Frac qu'on débute aujourd'hui en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. On doit commencer en vous disant tout de suite que, comme j'irais chaque semaine, peut-être. À peu près. Il y a un problème. Mais oui. Cette semaine, on n'a pas d'Internet. Mais non. C'est très difficile, mettons. Ça se fait pas une émission comme la nôtre non, sans Internet. Ça. Apparemment, qu'il y a une panne de courant, quelque chose, un breaker qui a sauté. Oui, c'est ça. Il y a des breakers apparemment qui auraient sauté ce matin un petit peu plus tôt dans la journée. À la Chasse-Galerie. Et leurs breakers sont comme connectés à nos serveurs Internet. Oui, on est dans le même secteur du pavillon Néré-Beauchemin, donc c'est comme ça. On a soumis une demande d'aide urgente sur nos bat-signaux. Le téléphone rouge sonne. Oui! Donc peut-être aurons-nous la chance d'avoir une connexion Internet d'ici la fin de l'émission. Mais c'est pas grave, on va essayer de remplir notre 3 heures le mieux que possible avec de la musique et du contenu parce qu'on a chacun nos téléphones cellulaires. Donc on va essayer de peut-être pouvoir faire un petit peu de chronique quand même d'ici la fin de l'émission. En tout cas, on va faire notre possible pour vous. Hein? On va essayer. Hein? On est de vaillants travailleurs. Oui, c'est ça. Hein? Tiens, avant de... On peut parler du plan qu'on a de prévu d'aujourd'hui, si jamais on a le temps de faire tout ça. On devrait avoir la chronique Une grosse pointe d'adresse en fin d'émission. On va goûter... Enfin, on va pas goûter à grand-chose aujourd'hui. On va juste se faire deux fois plus de nouvelles qu'à l'habitude. Oui! Intéressant comme concept. On va s'acheter les gadgets tantôt. Dans Ça existe ou ça ne devrait pas là. Si tout va bien, ta chronique devrait avoir lieu aussi. Si tout va bien, honnêtement, j'ai beaucoup de liens Internet, donc on croise les doigts pour que ça fonctionne. Du moins, sinon, je vais essayer avec mon téléphone cellulaire en studio. Mais on va parler de jardinage de fruits et de légumes. Oh, wow! Ouais. C'est différent, ça, Tania. C'est malade. mais commençons en musique, tiens, pour l'instant, avec une pièce de You Say Party sur leur album le plus récent, qui s'appelle comment, leur album? Leur album de You Say Party. C'est une très bonne question, Mathieu. T'écris? Attends, là. Je cherche moi aussi de mon côté. Je le vois pas. You Say Party? Eh ben voilà, voici... Ça s'appelle You Say Party. Ignorance. Tu vois, Ignorance, parce qu'on est pas au courant. On est un peu ignorant. Mais est-ce que t'as la bonne track présentement? Je crois que non. Est-ce que ce serait... C'est quoi ça serait Heading in the Direction of the Rising Sun. La dernière pièce du CD. Exactement. Voilà, la voici, tout de suite. Assemblage Requiche, merci Daniel. Ça fait plaisir. Ça va être comme ça tout le long. Et voilà. Ça te crée une ambiance, tout ça? Eh, hein? Wow! Ilala. You Say Party, la pièce Heading in the Direction of the Rising Sun sur l'album You Say Party à Assemblage Requis. Sur cette musique très relaxante, qui nous donne l'impression de plonger dans l'eau, plongeons un peu dans la connaissance, hein? C'est pas une bonne idée, ça? Voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. On a commencé en remerciant notre directeur général, le très apprécié Jean-Philippe Charbonneau, qui a réussi à nous concocter une petite recette d'Internet. Il nous a branché ça dans le dans une extension, je sais pas trop comment t'appelles ça, satellite? Je sais pas comment on appelle ça, mais il y a un gros fil qui passe dans le studio présentement. Exactement, ça fait peur un peu, il y a des flammages partout, mais l'important c'est qu'on ait une source d'information inépuisable qu'on appelle Internet. Et voilà. Donc c'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon ces dits Internet. Commençons par un homme qui a été confronté par la police, Tania. Après s'être fait arrêter, il a été confronté et il a laissé la laisse de son chien se détacher. Il a pointé les policiers et il a dit au chien « Va les tuer! Va les tuer! » Mais non. Le chien a répondu en le mordant dans les fesses lui-même. Ouh. Et en le chassant dans un appartement proche où les officiers ont pu l'arrêter. Tu vois que c'est pas parce que ton chien est ton meilleur ami qui va t'aider à tuer les policiers. C'est intelligent, les chiens. Voilà. Ensuite, tu connais dans les dessins animés le nom de compagnie Acme? Oui, ça me dit quelque chose. Dans les Roadrunner, entre autres. Donc ACME, c'est une compagnie fictive qui est devenue populaire dans les années 20. C'était que plusieurs compagnies voulaient à l'époque être au sommet des répertoires téléphoniques. Donc ça commençait par A. Ils se sont dit, un nom de compagnie qui commence par AA, ça se peut pas vraiment. Non, A, B, moyen, mais AC, par contre, ça a l'air vrai. Donc ils ont choisi ACME, plusieurs, pour se retrouver au sommet des répertoires. Le sarcasme. Est-ce que tu es une fan de sarcasme? Quand même assez. Je dirais que c'est un humour que j'aime bien. Ouais, moi aussi. Ouais. Le mien, tu le comprends bien. Ouais, on se comprend très bien. On est sur la même longueur d'onde là-dessus. Il y en a dans notre environnement, des fois, qui peut-être sont pas au courant de c'est quoi le sarcasme. Eh, boy. Et des fois, c'est difficile de se faire entendre. C'est très difficile, maintenant. C'est ça. Mais bref, le sarcasme est non seulement une indication possible de tes habiletés cognitives dans ton cerveau, la capacité pour la pensée abstraite, la créativité augmentée, mais aussi ça va augmenter la créativité chez les gens qui reçoivent les remarques sarcastiques, selon une étude publiée dans ScienceDirect.com. Donc, c'est une bonne chose pour la personne qui envoie le sarcasme et la personne qui le reçoit. Bon, vous voyez, si vous n'aimez pas le sarcasme, dites-vous qu'on fait simplement une activité de créativité. C'est ça. Et de toute façon, les gens sont ben trop intelligents pour pas comprendre le sarcasme ici, hein? Tu vois, ça, c'est du sarcasme. C'est sûr. Tu connais des fois, quand tu vas passer dans un terrain, mettons à l'université ici, t'as un coin de rue, bon, le coin du stationnement avec une autre rue, puis t'as un petit trail de terre entre les deux pour... Bon, ça a un nom, ça. Ah ouais? Ça s'appelle en anglais un desire path, donc le chemin du désir. C'est une piste faite par plusieurs personnes sur du gazon ou une autre surface parce que c'est la façon la plus facile de passer entre deux points sans avoir à contourner le coin. Donc c'est un raccourci. Un raccourci. En Finlande, les desire paths sont faits dans des empreintes, avec des empreintes de pieds dans la neige l'hiver et c'est fait pour que l'été suivant, on fasse vraiment des chemins qui sont vrais, avec du vrai petit trottoir, etc., etc. On regarde les pistes qui ont été faites par les gens l'hiver pour accommoder le terrain pour les gens plus tard. C'est une bonne idée. Il faut les faire avant que la neige fonde, évidemment. Oui, absolument. C'est sûr que absolument. Ça aide. Ensuite, il y a un arbre qui s'appelle Pando. Pando. Pando. Pando, qui est techniquement une forêt au complet. En fait, c'est une colonie d'un seul Quaking Aspen Populus Tremuloides. Ben oui! Et on dit qu'apparemment, il a un seul système de racines en dessous de la terre, un grand système massif de racines. Pando, aussi connu sous le nom du géant tremblant. Tu trouves pas que ça sonne comme une formule d'Harry Potter? Populus Tremuloides. Tout ce qui est latin, je pense, ressemble à du Harry Potter. C'est ou vrai. Encore, tout ce qui est Harry Potter ressemble étrangement à du latin. C'est probablement parce que ça découle de là. Peut-être. Donc, Pando, le Trembling Giant. On dirait le géant tremblé, un lutteur québécois années... mais c'est pas ça. Donc, un seul... c'est ça, Quaking Aspen. C'est le nom de l'arbre. Ça dit que cette plante, dans le fond, ce grand arbre, pourrait peser collectivement 6 millions de kilogrammes ou 6600 tonnes. Le système de racines du pando est estimé à 80 000 années. C'est parmi les organismes vivants les plus vieux du monde. Pando est situé à 1 mile au sud-ouest du Fish Lake, sur la route 25 de l'Utah, dans le Fremont River Ranger District du Fish Lake National Forest, au coin ouest de la, du Colorado Plateau, dans le sud central de l'Utah. Il voilà. C'est géographiquement assez compliqué. J'imagine que ça doit être devenu comme une espèce de place touristique aussi. Là. Les gens doivent arrêter là-bas à chaque jour pour prendre des photos avec le fameux arbre qui deviendrait une forêt. C'est ça, c'est comme une forêt d'arbres en tant que tel. Ça n'a pas l'air d'un gros arbre, c'est quand même assez compliqué. Mais oui, probablement que c'est touristiquement assez attrayant puis c'est joli à voir sur photo. Donc allez voir ça sur assemblagerequis.com. Hmm. Certaines usines de cigares cubains engageaient ce qu'on appelle des lecteurs qui lisaient des journaux, des traités politiques et de la littérature classique à voix haute pour calmer un petit peu la monotonie des travailleurs. Donc leur environnement de travail était plate, à rouler des cigares, etc. Donc on les divertissait un petit peu. Même ceux qui étaient illettrés, on pouvait être informés et connaître la grande littérature avec ces lecteurs. Avec un micro, tout. C'est pas peut-être pas à l'époque, là, mais de nos jours, ils ont des micros. Ensuite, il y a un sport qui est vraiment intriguant qui s'appelle le chess boxing. Ça combine les échecs et la boxe de ronde en ronde, round en round. Donc, un sport hybride qui combine les deux sports traditionnels. Les compétiteurs vont se battre dans des rounds alternatives, d'échecs et de boxe. Le chess boxing a été inventé par un artiste hollandais, J.P. Rubing. À l'époque, c'était supposé être performance art, donc de l'art performance, si on veut. Et c'est rapidement devenu un vrai sport compétitif. Donc, félicitations. Vous pouvez voir des photos encore sur le site et voir la table d'échecs qui a plus l'air d'une table de ping-pong miniature. Ouais, c'est ça. Ou de poker ou du faux gazon. Je sais pas comment on appelle ça. De billard. On dirait un feutré de billard. C'est très drôle quand même. Les gars portent des écouteurs, j'imagine, pour pas que la foule puisse les distraire. C'est quand même particulier, mais c'est intriguant. Puis tu vois qu'ils enlèvent... en fait, ils gardent leurs gants pour jouer aux échecs. Ils portent leurs petits boxers. Évidemment. Et il y en a un qui est en chess, l'autre est en chandail à manches longues. Puis après ça, il enlève son chandail. Ouais. En tout cas. Ensuite, il y a une condition et c'est vraiment... je dis tout le temps que c'est fascinant, mais celui-là, vraiment, c'est pour ça que j'ai choisi ces liens-là. Donc, une condition qui s'appelle... prosopagnosia, ou être aveugle du visage, en fait, des visages des autres, ça fait que la personne qui en souffre est incapable de reconnaître les visages des gens qu'ils connaissent déjà. Ah! Ouais. Donc, c'est un désordre cognitif où la personne ne peut pas reconnaître les visages même de ceux qui sont les plus proches d'eux, comme leurs enfants, mari, femme, parents, ou même leur propre visage. D'autres processus visuels restent intacts, par contre, donc la personne peut quand même déterminer des objets, peut différencier les visages d'une personne à une autre, savoir que c'est pas la même personne qui vient de voir, mais en tant que tel, il reconnaîtra pas la personne. Tout le monde fait juste se ressembler. C'est bien triste. Ils pourraient même se présenter à des gens qu'ils ont déjà rencontrés ou encore ne pas reconnaître leurs enfants quand ils vont les chercher à l'école. Mais tu sais qu'il faut que tu ailles chercher tes enfants à l'école. C'est ça, parce que ça change pas. C'est intéressant, hein? En français, on appelle ça prosopagnosie, un trouble de la reconnaissance des visages, une agnosie visuelle spécifique rendant difficile ou impossible l'identification ou la mémorisation des visages humains. Généralement capable de reconnaître les personnes en recourant à certains subterfuges comme l'identification visuelle par l'allure générale, comme les vêtements, démarche, taille, corpulence, ou les détails comme un vêtement familier, coiffure, barbe, tache de naissance, lunettes. On peut reconnaître une personne à l'aide d'autres sens que la vue, comme sa voix, son odeur, sa poignée de main. Donc il y a une page Wikipédia complète, proso, proso, pagnosie, pagnosie. C'est triste quand même. Oui, absolument. Tu sais, tu dois avoir l'impression que tu deviens fou à un certain point. Là, tu ne reconnais jamais personne. Mais je me demande si ça doit le dire sur la page Wikipédia, mais si tu as ça à la naissance, peut-être que c'est moins difficile de s'adapter parce que tu es déjà adapté. T'sais. Ouais, peut-être. Ouais. Mais bon, ensuite, on va parler de J.K. Rowling, la créatrice de Harry Potter, bien sûr, qui a dit « J'ai rencontré des milliers d'enfants et il n'y a pas un seul enfant qui est venu me dire... Madame Rowling, je suis tellement content d'avoir lu ces livres-là parce que maintenant je veux être une sorcière. » Lorsque son livre avait été accusé de contenir des thèmes sataniques. C'est ce qu'elle a dit. Elle a bien raison. C'est vrai, hein? Un couvent de bonnes sœurs au Moyen-Âge a commencé, pas le couvent, mais les femmes, j'imagine. Hein? J'espère. Les femmes ont commencé à miauler comme des chats. Et d'autres, ils ont suivi jusqu'à temps que tout le monde miaule ensemble à certains moments pendant plusieurs heures de suite. Ça continue jusqu'à temps que les villages environnants aient appelé les soldats pour forcer les bonnes sœurs à arrêter de miauler. Mais pourquoi ils miaulaient? Ça dit pas. Oh mon Dieu. Désillusion massive. Attends un petit peu, ça dit sur l'article ici. Donc, hystérie, commune. C'est de l'hystérie commune. Tout le monde a commencé à avoir... C'est un peu comme... comment t'appelais ça? Les sorcières de Salem? Ouais, c'est ouais. de ça au départ. Mmh. Mais là, miaulé quand même. Ouais, ben c'est ça. C'est de l'hystérie massive. Ah, d'accord. Une étude récente nous apprend que seulement... Et on en parlait la semaine passée, ou il y a deux semaines, d'écran solaire. C'est la semaine dernière. La semaine dernière. Donc, une étude récente nous apprend que 43% des écrans solaires ne suivent pas le qu'on appelle ça, FPS 15? Mm-hmm. FPS, bon. Le FPS sur leur étiquette. Entre autres, Banana Boat Kids Tier Free, Sting Free SPF 50, ainsi que la marque d'une pharmacie, CVS Kids Lotion SPF 50, ont testé à un FPS de 8 seulement. Oh mon Dieu! Ils vendaient ça comme du 50, mais c'était du 8. Faites attention. Eh oui! Eh bon. Les cours allemandes n'ont pas eu assez de preuves contre le tueur de sa fille. OK, donc le père, sa fille s'est fait tuer. Donc les cours allemandes n'ont pas trouvé assez de preuves. Donc un père a engagé deux gars pour kidnapper l'homme, le présumé tueur, et l'amener en France. L'homme a été retrouvé, attaché et dompé près de la cour française. Il a eu 15 ans en prison. Le père, lui, a eu une sentence suspendue d'un an pour kidnapping. Donc, en tant que tel, ça a fonctionné parce que le gars a été emprisonné pour 15 ans. Wow. Le criminel en question. Mais c'est correct. Mais... Mais il faut pas être son propre justicier. C'est ça, exactement. Il faut pas devenir son propre justicier, comme tu dis. Ça pourrait te causer du trouble plus que l'autre chose. Mettons, on peut comprendre si ta fille a été... Je comprends pas, en fait, comment il a réussi à avoir simplement un an, là. Ouais, il l'a quand même kidnappé. Mais il l'a pas tué. Non, c'est vrai. Ah, c'est peut-être ça la différence. Quand tu kidnappes quelqu'un, c'est pas comme là, tu... Ah, attention, là, elle n'est pas kidnappée n'importe c'est qui non conseil. Plus. C'est ça. Non, mais ça fait Liam Neeson dans Taken, genre. Oui. je vais te trouver, j'ai des talents, je vais te trouver. C'est ça. Et boy. Il y a une étude qui s'appelle la Monster Study. Monster Study, qui était une expérience faite pour amener les gens à bégayer. Alors que ces enfants-là étaient premièrement des orphelins, mais qui parlaient normalement, ces gens-là. Donc, certains, on a essayé de les rendre des becs. Okay. Donc, certains de ces enfants-là étaient encouragés pour leur bon parler, OK, dans les orphelins, en tant que tel. Mm-hmm. Ils étaient encouragés parce qu'ils parlaient bien. D'autres étaient ridiculisés ou rabaissés. Et ces enfants-là, plus tard, ont développé des problèmes qui ont duré toute leur vie, dont du bégaiement. Ah, oh, ouais. Donc, quand tu encourages les enfants, ça va mieux que lorsque tu les rabaisses. Peut-être que ça les stresse un peu, puis ils finissent par développer un trouble. Hmm. Eh bien, orthophonique. Au 18e siècle, plusieurs scientifiques, plusieurs personnes bien placées parlaient d'une épidémie qui affectait les jeunes, qui disaient que c'était parce que les enfants passaient trop de temps à lire des livres. On disait que c'est une maladie dangereuse. On appelait ça à l'époque Reading Rage, donc la rage de la lecture, la fièvre de la lecture, la manie de la lecture ou encore l'envie ou le désir de la lecture. Donc c'était une maladie, les gens lisaient trop au 18e siècle. Selon les experts. Les mêmes experts sûrement qui disaient que le rock and roll puis le... Ouais, c'est ça doit être les mêmes. Le pelvis d'Elvis Presley, les bandes dessinées, puis bon. Un homme en Arizona, ça c'est vraiment très en bref et complètement inutile à savoir, mais un homme en Arizona a volé un diamant qui valait 160 000 $. Il l'a échangé pour 20 piastres de weed. Non! Ouais, bravo. Épais. C'est vraiment de l'inutile. Tu connais peut-être l'effet de la fée clochette, Tinkerbell Effect. Qu'est-ce que l'effet Tinkerbell? Ben, pour commencer, l'effet Tinkerbell, c'est une expression qui décrit des choses qui existent seulement parce que les gens y croyaient. Donc, okay. L'effet est nommé en l'honneur de la fée... c'est ça? La fée clochette? La fée clochette voyons comment on appelle ça, Peter Pan. Le conte de fée Peter Pan. Ben oui, voilà. Qui est ramenée, attention, spoiler alert ici, qui est ramenée à la vie après être presque morte par la croyance du public. Oui, dans Peter c'est vrai. Pan. Bon. Il y a le contraire, qui s'appelle le Reverse Tinkerbell Effect, une expression qui dit que plus les gens croient quelque chose, plus ça a de chances de disparaître. Si plus de gens voient les voitures comme étant sécuritaires, moins ça va devenir sécuritaire parce que les gens vont conduire sans faire attention. Oh, baby! Ah, ça a été inventé par David Post en 2003, ce Reverse Tinkerbell Effect. J'avoue que c'est pas fou. Ça a bien du sens. La femme américaine moyenne aujourd'hui pèse environ, en moyenne, le même poids que l'homme américain des années 1960. Ah ouais? Eh ben. Un message dans une bouteille a été envoyé à partir du Titanic qui était en train de couler. Donc le message s'est rendu en Irlande à quelques miles de la ville de la victime qui avait envoyé le message dans une bouteille. Donc c'est les mots de Jeremiah Burke, 19 ans, de Glanmire Company. Cork? En tout cas, bref, ce message-là a été mis dans une bouteille. Il n'a pas été lu avant un an après la mort de tous les gens sur le Titanic. Donc, il a utilisé une bouteille d'eau bénite que sa mère lui avait donnée lorsqu'elle l'a vue, lorsqu'elle l'a envoyée dans le bateau. Bref, mm-hmm. à Cobe, Burke a utilisé un de ses lacets de souliers pour l'attacher. Pour attacher le message, finalement, et le mettre dans la bouteille et l'envoyer par-dessus bord. La lettre disait, donc, je cite... From Titanic, goodbye all, Burke of Glenmire Cork. Donc, du Titanic, au revoir à tous, Burke de Glenmire Cork. C'est triste. Vraiment plate. Mais bon. Au moins, son message est rendu. Mais il savait qu'il allait mourir, tu sais. Ben, c'est ça. Rendu là, t'as pas grand chose à perdre. C'est ça. Hein? Sergei Bobka. c'est quand même assez. Le gars, là, moi, je l'admire, OK? Donc, okay. Sergei Bobka a délibérément atteint son record au saut en hauteur, soit à la perche, OK? Mm-hmm. Il l'a battu d'un tout petit peu, OK? Pour pouvoir encaisser un bonus de la compagnie Nike, parce que Nike lui offrait un montant d'argent à chaque record qu'il battait. Donc, il battait son record de quelques millimètres, centimètres à chaque fois. En 2 ans, il a brisé son record 14 fois. Wow! Et Nike, tchitching, a envoyé l'argent. Il n'avait pas le choix, c'était l'accord ouais, à c'est mais félicitations à Sergei Bobka. Oui, vraiment, félicitations, parce que de toute façon, il n'a pas vraiment triché. Là. Ben non. Il l'a fait pareil. Il l'a battu son record. C'est ça. Mais il s'est juste pas autant forcé qu'il aurait pu. Wow. Lake Jackson, au Texas, a des rues qui se nomment This Way, That Way, Anyway, Circle Way, Parking Way, Winding Way, His Way et Which Way. Donc, par-ci, par-là, de n'importe quel bord, en cercle, chemin du stationnement, etc. Donc, par-ci, par-là. C'est au Texas. Il y a un village allemand qui s'appelle Fougueray, F-U-G-G-E-R-E-I, où le loyer n'a pas été augmenté depuis l'année 1520. Ça coûte seulement 88 cents d'euros pour vivre là pendant une année au grand complet. C'est-tu vrai? C'est ce qu'ils disent. Donc, c'est l'équivalent de 0,88 euros. C'est un seul Rheinischer Gulden par année que ça coûte. Ainsi que 3 prières quotidiennes des propriétaires de Fougueray. Mais il doit avoir une trappe, là. J'imagine que leur taux de taxe est assez incroyable. Leur chauffage. C'est ça. Ou bien, tu peux pas te déménager parce que la ville est pleine. Peut-être. Il y a plus de place. Donc, on dit que c'est le plus vieux complexe de maisons qui est toujours utilisé, le Social Housing Complex. C'est une enclave dans la ville d'Augsburg en c'est quoi en français, Bavaria? En tout cas. Bavaria. Bavarienne, non? J'ai aucune idée. Donc, ça prend son nom de la famille Fugger. Ça a été fondé en 1516 par Jacob Fugger de Younger, aussi connu sous le nom de Jacob Fugger le Riche. Un endroit où les citoyens dans le besoin de Augsbourg pouvaient être accueillis. En 1523, 52 maisons avaient été construites et dans les années suivantes, la place a pris de l'expansion dans différentes rues. Il y a aussi une église dans ce coin-là. Les portes sont fermées la nuit. Donc, c'est vraiment similaire à une petite ville médiévale indépendante. C'est toujours habité aujourd'hui par des personnes dans le besoin, sûrement des personnes un petit peu plus pauvres. Bavaria, pour vous, je le cherche à l'instant. Erreur, Tania. OK. Bavière. Un homme nommé Thomas Thwaites. Thwaites a reçu une bourse pour devenir une chèvre et vivre lui-même avec les chèvres. Quoi? Au nom de la science. Donc, il porte vraiment un casque avec des extensions de mains pour pouvoir marcher à 4 pattes. Ça doit faire vraiment très mal au dos. Et il est tellement mis des chèvres que les chèvres viennent le licher en face. Mais là, j'espère que c'est une blague, ça. Non. C'est une étude. Le gars, il se prend pour une chèvre. Le gars, il se prend pas pour une chèvre, mais le gars a été engagé pour jouer le rôle d'une chèvre. Mais oui, mais là, s'il joue le rôle d'une chèvre, il se prend pour une chèvre. Ben peut-être, là, mais à un moment donné, il peut revenir à son état normal. J'espère qu'il est payé cher en Moses. Ça dit pas, j'avoue, j'aimerais savoir aussi. Enfin, il y en a qui disent que c'est un job de rêve. Deux personnes qui ont gradué, donc qui ont eu leur diplôme à l'université, ont voyagé partout aux États-Unis en vandalisant des pancartes privées et historiques. Ils se disaient eux-mêmes des grammar vigilantes. Donc un peu tantôt, on parlait de justiciers, mais là, des justiciers de la grammaire. Après avoir endommagé une pancarte dans le Grand Canyon qui avait plus de 60 ans, cette pancarte-là, les deux ont été bannis de tous les parcs nationaux pendant un an. Ils ont reçu une probation et ils ont été forcés à payer pour la restauration de cette pancarte. Ou plusieurs pancartes, en fait. Mais quand même, moi, les justiciers de la grammaire, j'aime ça pas mal. Parce qu'on en voit beaucoup sur des pancartes officielles des fautes. Au Japon, si quelqu'un est photographié ou filmé alors qu'il porte des menottes, ses mains doivent être pixelisées à la télé ou dans les journaux parce que ça implique la culpabilité d'être vu avec des menottes. Et c'est vrai, j'ai déjà vu des photos de ça et des vidéos. Allez voir, il y en a sur assemblagerequis.com. Ah, oui. Donc, c'est ça, au Japon, on doit pixeliser les mains des gens en menottes. Et finalement, ça fait peur. C'est une condition qui s'appelle dactylolysis spontanea, où les orteils d'une personne vont simplement tomber. Quoi? Et les docteurs n'ont aucune idée pourquoi ça arrive. C'est sérieux? Je te jure. Où? Dactylolysis spontanea. Moi, en tout cas, je veux pas vivre ça. Non, moi non plus, c'est un peu dégoûtant. Vraiment. Puis ils savent aucunement pourquoi. Pas encore. Un jour, peut-être. Est-ce que tu veux te déguiser en chef pour faire toute l'expérience de ça, perdre tes orteils, vivre en chef? Non. Non, je pense que je vais passer mon tour. Merci. Voilà pour cet fait. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Tantôt, on va s'acheter des gadgets dans Ça existe, mais ça ne devrait pas là. Par contre, pour l'instant, on s'écoute une pièce des Revenants sur leur album Épouvantail, Tania. Quelle pièce écoutons-nous? Attends, laisse-moi voir. Je vais t'avouer que c'est toi qui vas avoir le titre parce que je ne l'ai plus. Non? Non. On va écouter, tiens... oui, on va écouter la pièce Rien ne saigne comme un pouce pour aller avec l'orteil. Et voilà. C'est Assemblage Rocky au 89 FM, c'est fou. Je ne l'ai pas appris à mes parents, frères, ils ne doutent. 5 comme un pouce ou un orteil. En parler revenant à Assemblage Requis. Au retour de la pause, c'est-à-dire sors ton portefeuille. Ouh, est-ce qu'on va acheter des choses? Oui, ça existe et ça ne devrait pas. Au retour. Assemblage Requis aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1 Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Bonjour, c'est toujours Assemblage Requis pour la semaine du 23 mai 2016. C'est Natalia Bollin. Avec Mathieu Plan. Toujours faire moins un sur la date sur laquelle nous sommes en ce moment. Oui, hein? Oui. Donc, Tania, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a un nouveau palmarès. Oui, j'ai remarqué. Pour la période du 23 mai au 5 juin, donc une période de 2 semaines, comme on le fait cet été, ça dépend des semaines. Des fois, c'est aux 2 semaines, des fois, c'est au mois, des fois, c'est au mois et demi, c'est un peu n'importe quoi. Ça dépend. Ça dépend de l'humeur de la station. Hein? Et voilà. Donc, on a quelques nouvelles entrées à se mettre dans la bouche, pour ceux qui écoutent leur musique avec leurs écouteurs dans la bouche. Tu nous as tantôt parlé qu'il y avait une pièce de La Bronze qui fait son entrée. Parce que La Bronze, on le sait, on l'aime beaucoup, assez fou. On a fait rouler, mon Dieu, combien de fois sa pièce durant la dernière. Et on l'a fait aussi jouer plein de fois dans Assemblage Requis en saison. Explose-moi. Et elle est de retour au palmarès francophone avec une nouvelle pièce qui s'appelle Monarque. On va écouter ça, puis après ça, ça va être sexy, ça devrait répondre là. Oui. Dans Assemblage Requis. Toi, c'est trop pour mon corps, la fièvre qui nous prend fort comme tes bras. We'll be right back. Chambron, c'est la pièce Monarque sur l'album Roi de nous. Nouvelle entrée en 18e place francophone des palmarès, c'est fou. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky maintenant, c'est ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Mais ça ne devrait pas, là, la chronique des gadgets inutiles à s'acheter sur Internet. Commençons avec une prise de courant qui vous texte lorsqu'il n'y a plus d'électricité. Ça, c'est le genre de choses qu'aujourd'hui, on aurait eu besoin quand même. Est-ce qu'on appelle ça... Ben, en fait, on n'appelle pas ça une génératrice? Non, c'est pas une génératrice, parce qu'une génératrice, ça donnerait du courant plus. Vrai. Ah, t'as raison. Donc, c'est pas à la maison que tu te soucies d'une panne de courant qu'il pourrait y avoir chez toi, par exemple. Une compagnie nommée iSocket Systems est là pour toi. Ils ont créé un produit nommé le iSocket 3G. C'est une prise de courant qui va te texter lorsque le courant manque et ça utilise une petite batterie avec une radio cellulaire dedans, une carte SIM pour détecter les interruptions et ça peut rester allumé la prise de courant assez longtemps pour alerter tout le monde qu'il faut au problème de la panne de courant. Ouais. Donc il faut quand même retourner à la maison, retourner au bureau pour aller régler le problème, mais au moins tu vas savoir qu'il y a un problème et c'est pas mal plus facile de régler un problème quand tu sais qu'il y en a un. C'est pas fou, c'est une logique assez remarquable. Je suis le même. Donc le iSocket 3G qui se vend pour 199$, ils vendent aussi un sensor de température à 9$ qui peut aller avec. Comme ça, l'appareil va te texter si l'environnement autour est trop chaud ou trop froid. Ce qui pourrait causer une surcharge sur ton électricité. Donc voilà, il faut payer aussi pour la carte SIM et pour le service associé à votre compagnie de téléphone cellulaire, bien sûr. C'est quand même assez cher en tout, mais pour ceux qui ont besoin de ce genre de performance, le iSocket 3G, c'est iSocket3G.com. Ensuite, c'est le jouet intelligent pour votre animal de compagnie. Hein? Si tu t'ennuies de ton chien pendant que tu es en vacances ou si tu te demandes ce que ton chat fait à la maison quand tu es au travail, et bien maintenant tu peux leur montrer à tes animaux de compagnie que tu penses à eux même quand tu es pas là avec le Playdate, un jouet collecté pour tes animaux de compagnie. Hein? Donc Playdate vient de lancer une campagne sur Indiegogo qui a déjà dépassé le but qu'ils avaient en fait pour leur produit connecté. C'est la solution pour garder vos animaux bien divertis peu importe où vous êtes dans le monde avec une caméra à angle large. Haute définition, à l'intérieur d'une balle. Donc, l'objet est contrôlé par une application sur votre téléphone intelligent. Et quand vous vous sentez seul et que vous voulez voir votre animal sourire, vous pouvez jouer avec à distance pour 249$. Donc, tu comprends que tu contrôles la balle et que ça capture la face de ton chien pendant qu'il joue avec ta balle. C'est merveilleux. C'est le fun, là. Donc, c'est fait pour pouvoir parler à ton chien aussi ou à ton chat. Et donc, ton animal va entendre ta voix, va savoir que c'est le moment de jouer. Et là, tu vas pouvoir envoyer la balle de l'autre côté de la pièce. C'est sur Indiegogo, comme on disait. Et puis, 249$, c'est quand même cher pour une balle connectée. Mais ça peut être des minutes et des minutes de plaisir à chaque jour. 333 000$ américains reçus jusqu'à maintenant. Ils ont fait 556% de leur but sur Indiegogo. C'est pas rien. Wow! Allez voir la petite vidéo démonstration, c'est vraiment cool comme produit. Et si c'est 250$ maintenant, ça va être beaucoup moins cher à l'avenir, quand ça va devenir un petit peu plus populaire. Ensuite, ça s'appelle Click and Grow, qui amène le jardinage à l'intérieur. Tu me disais que tu allais parler de jardinage plus tard dans ta chronique, Tanias Valentizania. Donc maintenant, c'est des plantes à l'intérieur et automatisées, si on veut. Ah, ouais. OK. Explique, ça m'intrigue. Je vais t'expliquer. Click and Grow, si tu as un comptoir, tu peux avoir un jardin. C'est leur slogan presque. Donc, un petit jardin botanique dans ta cuisine. Click and Grow Smart Herb Garden, c'est l'équivalent urbain. D'amener ta nourriture à la table et la cuisiner toi-même. Donc, dans le fond, c'est un peu comme les gens qui cultivent... pas cultivent, là, mais comment t'appelles ça avec les animaux? Qui élèvent leurs animaux, sauf que là, à la place, tu élèves tes propres herbes. C'est aussi un genre de serre et un système d'irrigation automatisé, tout ça en un, sans aucune habileté de jardinage nécessaire. La base du truc, le réservoir, finalement, contient assez d'eau pour durer pendant un mois. Les lampes par-dessus peuvent être montées, baissées et automatiquement programmées pour fournir exactement l'eau qu'il faut pour tes plantes ou pour tes herbes. Et la fonction Smart Soil, donc la terre intelligente, va relâcher des éléments nutritifs et va retenir l'eau pour ne pas avoir à utiliser de fertilisants ou de pesticides pour prendre soin de votre nourriture. Donc la partie intelligente du jardin vient de la technologie à l'intérieur du pot ou de... du machin à l'intérieur duquel tu mets les plantes. Donc, les sensors à l'intérieur vont surveiller la condition de la terre et Et les kits de plantes spécifiques qui vont être chargés dans le jardin. Donc, il faut que tu achètes des kits spécialisés pour chacune de tes plantes. Les sensors vont automatiquement envoyer l'eau qu'il faut dans ton jardin. Et il faut que tu te souviennes une fois par mois de rajouter de l'eau. Et le reste, c'est géré au complet par la machine. Tu as une application, évidemment, Click and Grow, où on peut surveiller le progrès des herbes et des légumes que vous avez plantés et voir une vidéo en time-lapse. Donc, voir sur une période de plusieurs heures ou plusieurs semaines comment ta plante a poussé par une petite vidéo en accéléré. C'est vraiment cool. Sinon, tu peux prendre des photos à distance de tes plantes pour les envoyer sur Instagram, ce genre de truc. Donc, le Click and Grow... Qui fait pas ça, hein? Smart Herb Garden Starter Kit. De la place pour trois différentes plantes en même temps. Une fois que tu as terminé avec ton premier jardin réussi, tu peux remplir ça avec... disons de la menthe, basilic, des fraises sauvages, des piments, de l'origan, c'est ça? Origan, oui. De l'herbe à chat, même tu peux faire pousser de l'herbe à chat. Ah, tu peux faire pousser de l'herbe à chat. Ouais. Des fleurs et plein d'autres choses. Voilà, c'est sur assemblagerequis.com, le lien est là. Ensuite, c'est vraiment l'essentiel de l'été. Ce que vous devez avoir tous quand vous allez à la piscine cet été, c'est une espèce de gros caca en émoji, mais qui est aussi... un flotteur. Oui, tu sais, comme les fameux matelas. Ouais, les matelas. Ouais, ah, c'est donc, malade, j'en veux. Ça coûte 20$ le Smiling Poop Emoji Pool Float sur Amazon. Vous pouvez vous ramasser avec un paquet de caca dans votre piscine. Mais dans ce cas-là, ce ne sera pas une mauvaise chose. Voilà. 20$, c'est ça. Ensuite. C'est parfait. C'est ça. Et sachez aussi, en passant, pour ceux qui n'ont pas encore compris ça, là, que le Poop Emoji, c'est aussi, dans le fond, si on y pense, le dessus d'un cornet de crème glacée emoji. C'est vrai. Mais au chocolat. Ah! Fait que vous pouvez dire à vos invités que c'est de la crème glacée au chocolat. On pourrait. Ensuite, il y a une petite vidéo de démonstration du système de traduction Pilot, The Pilot, développé par Waverly Labs, qui est annoncé récemment. C'est un appareil qu'on insère dans son oreille qui coûte 129$. Ça va être disponible à partir du mois de septembre et ça peut traduire automatiquement une langue en temps réel dans votre langue native, votre langue maternelle, avec la voix d'une dame robotisée. Donc, les langages, présentement, sont anglais, français, espagnol, italien. Si tu tombes en amour avec quelqu'un qui parle une autre langue, pas de chance pour l'instant. Mais quand même, la petite vidéo le montre. En tout cas, j'imagine que c'est peut-être pas exactement comme ça dans la vraie vie, mais tu vas entendre quelqu'un parler espagnol et dans ton oreille, ça va parler en français. C'est quand même assez révolutionnaire. Donc, présentement, il y a... Ben c'est ça, les langues qu'on a dit tantôt. Le look est quand même beau, dans trois couleurs, donc noir, blanc et rouge. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a? Absolument rien, mon internet ne fonctionne pas. Caroline, ça va pas bien aujourd'hui? Non, ça va pas bien. C'est pas grave, je vais te divertir quand même avec le prochain gadget. Peut-être l'as-tu vu passer sur Facebook récemment, c'est une vidéo pour le Leaky Brush. Elisikai Brush, qui s'en vient apparemment sur un vrai Kickstarter. C'est un produit pour nettoyer ou peigner ton chat en mettant ça dans ta bouche et ça simule une langue de chat. Ah! Ouais, donc la brosse, c'est dans le fond, c'est un mouthpiece, là, comme on avait. Ouais. Que tu te mords dans la bouche avec une longue langue avec des pics dessus pour brosser et faire un massage à ton chat. Est-ce que c'est un vrai produit? On sait pas, mais ils disent que oui, mais on sait pas. T'sais. J'espère pas, parce que le gars, il a vraiment l'air stupide de faire ça. Absolument. On va faire le suivi. Si jamais on entend dire que c'est une blague, on en reparlera. Mais la petite vidéo démonstration est quand même assez sympathique, même si ça a pas l'air de suivre tout à fait le mouvement. Parce qu'en tant que tel, on peut pas bouger la langue. Hein. Non, c'est ça. On peut juste mordre sur le mouthpiece, mais après ça, le reste, le mouvement est pas très, très naturel. Le chat, lui, a du contrôle sur la direction de sa langue, de sa tête, de ça. C'est vrai? C'est pas nécessairement réussi. Leaky Brush, L-I-C-K-I, Brush. Ensuite, es-tu fan de jeux de société? Ben oui. En fait, je connaissais déjà la réponse. Tu joues une fois par semaine avec ta famille. Et voilà. On l'a dit quand même plusieurs fois à l'émission. Mais peut-être es-tu aussi fan de jeux style jeux de rôle, Donjons et Dragons? Non. Non. Parce qu'il y a plus d'accessoires dans ces jeux-là. Ouais. Il faut que tu transportes des cartes, des dés, des planches, etc. Bon. Donc, c'est un système maintenant pour transporter et organiser tes jeux de table. Le système s'appelle Gamefolio. Donc, c'est un système adaptable, est-ce qu'on dit ça en français? Qui s'adapte bien, intelligent, et c'est fait exprès, donc c'est des sacs, des valises, des accessoires pour les enthousiastes, les gens qui aiment les jeux de table. C'est fait donc pour emmagasiner vos cartes, vos livres, vos dés et tous les accoutrements nécessaires pour les jeux de rôle. C'est même padé, c'est même résistant à l'eau. Pour garder vos trucs bien en sûreté. Ils ont aussi annoncé le Game Vault, qui est un plus gros sac pour mettre vos Game Folio dedans. Donc, si vous avez plusieurs jeux de rôle, chacun va avoir son propre genre de cartable, si on veut, valise. Et les valises vont elles-mêmes s'emboîter dans le grand sac de sport, même si c'est un peu ironique de dire ouais, ça. Ouais, c'est ça. Un sac anti-sport, mettons, pour les amateurs de jeux de rôle. Ils ont déjà excédé leur but sur Kickstarter de pas mal. Il reste encore du temps apparemment, donc on va aller voir en direct. Parce que moi j'ai internet, 171 000 sur 7500, il reste encore 9 jours. Et c'est parfaitement friendly avec les États-Unis, l'Europe, l'Australie et le Canada. Donc pour les jeux qui viennent de tous ces endroits-là, c'est super simple. Ça s'appelle le Gamefolio System. Ensuite, ton rêve, Tania, de peut-être faire de la poussette, mais en tant qu'adulte. Ça serait fou! Je t'ai toujours dit, mais là, je suis donc bien jaloux de mes nièces neveux. Ouais, c'est vrai. Jalouse, t'es une fille, tu dis ça. Bref, c'est du marketing viral. Colecraft a créé une version pour adultes de sa poussette Contours Bliss. Le président de Colecraft dit, et je cite, « Nous avons créé ça pour que les adultes puissent vivre de première main, ou en tout cas à la première personne, voilà, nos poussettes Contours qui sont faites spécifiquement pour la joie et le confort du bébé, mais à l'échelle d'un adulte, pour vous montrer que c'est le choix parfait pour leur famille. Mmh. Donc, la poussette n'est pas disponible en vente, même si le but de cette chronique est de vous faire acheter des choses, mais Colecraft veut qu'on repense à ça, et donc veut que les gens envoient ça sur les réseaux sociaux pour déclarer qu'ils en veulent un pour leur mari ou leurs enfants, pour que leurs enfants ou leur mari puissent les pousser. Évidemment, c'est super sexiste en disant que je suis les filles, les femmes qui poussent une poussette en disant que c'est mon mari ou mon enfant qui va me pousser. C'est bon, vraiment sexiste. En tout cas, ça dit en anglais spouse. Spouse, ça veut dire mari ou femme. Donc, une femme pour avoir une femme et un homme pour avoir une femme. C'est donc, vrai. En tant que tel, ça pourrait être homme, ça pourrait être femme. Voilà, donc, faire une sieste peut-être là-dedans, ça pourrait être une bonne idée. Peut-être qu'ils pourraient en essayer dans des parcs. Tu sais, s'ils peuvent mettre des gyms dans des parcs, ils pourraient mettre des grosses poussettes géantes. Pas fou comme idée. Why not? Ensuite, c'est une tête d'oreiller qui reste toujours propre en utilisant la technologie de la NASA. Hein? Ça s'appelle Sylvan, S-I-L-V-O-N. C'est une tête d'oreiller qui empêche les bactéries de se multiplier. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas à laver votre tête d'oreiller aussi souvent parce que ça a des fibres garnies d'argent. Donc, silver-coated fibers enrobées d'argent. Et ça, c'est dans le tissu en tant que tel. Quelle différence est-ce que ça fait l'argent? Eh bien, plusieurs différences, nous dit leur site. La technologie avancée nous permet donc de mettre ces fibres-là directement dans notre tissu. Et c'est prouvé que ça élimine 99,9% des bactéries sur votre tête d'oreiller au complet. En fait, la technologie a montré une réduction de 99,9% des pathogènes après une seule heure. Et ça va continuellement arrêter la multiplication des bactéries nuit après nuit. Oh, ouais. Wow! Pour s'acheter une de ces têtes d'oreiller pour notre propre personne, il faut aller sur Kickstarter et donner au moins 35$. Sinon, ben, vous en passez. Mais non, je trouve que c'est une maudite bonne idée, ça. 35$ en plus, pour une tête d'oreiller, en tant que telle, mettons, mon oreiller, je l'ai payé peut-être 200$. OK. Fait qu'une tête d'oreiller à 35$, c'est pas si pire. C'est pas si pire, non, en effet. J'ai des problèmes de coût. Ah, c'est ça. C'est ça. Ton oreiller, tu l'as sûrement payé quoi? 12$? Genre. mais je dors avec 3 oreillers. Ah, ok. Mais c'est-tu les petits les oreillers qui sont vraiment, qui deviennent plats après 2 semaines? À peu près, oui. Je suis pas capable. Moi, mon oreiller est de la même forme que v'là 2 ans. T'sais. Moi, en fait, j'ai plusieurs types d'oreillers. Okay. J'ai un oreiller qui est quand même assez dur. Ouais. J'en ai un autre qui est assez melotte, un moelleuse. Peu. Moelleuse. Gadois, quoi. Et j'ai celui que, après une coupe de mois, là, tu fais comme, ok, non, mais c'est de la guenille. Et je les empile un à la suite de l'autre, et c'est comme ça que je dors le mieux. Ça veut dire que t'as 3 fois les bactéries, quand tu y penses, parce que t'as 3 oreillers. Sûrement, mais j'ai 3 têtes d'oreiller différentes. Que tu laves souvent? Oui. Mais ça peut l'être à l'intérieur de ton oreiller quand même. C'est clair. En tout cas. Mais je change mes oreillers quand même assez souvent. Ah, c'est bon ça, c'est sage. Je suis une fille qui change sa décoration de chambre assez souvent. Ah ouais? Ouais. Change les meubles de place? Ouais. Ouais. Ouais. Quand je fais du ménage puis je pogne un buzz, là... Ah, je peux apprécier on ça. On change la chambre de côté au grand complet. Ça m'arrive, j'aime bien. Ensuite, on va rester dans les trucs qui sont personnels à toi, Tania. Ah oui, d'accord. On va parler d'un tampon connecté. Ah, c'est sûr que toi, t'as jamais utilisé ça, hein? Pas encore. Il reste encore bien du temps dans ma vie, mais tu sais que tout est rendu intelligent, Tania? Je sais pas si c'est ça. Ah non, mais c'est pas des tampons intelligents, ça, j'espère. C'est un tampon connecté, Tania. C'est un tampon intelligent? Ben oui, tu vas te retrouver avec une extension qui te sort du fouing-fouing toute la journée. Tu vas pouvoir juste aller à 15 mètres du studio en tout temps. Ah mon Dieu! Non, c'est le MyFlow tampon connecté qui pousse le bouchon un peu loin. Nous dit l'article de Clinique. Incroyable. Donc un tampon connecté doté d'un réservoir et d'une application mobile à porter pendant ses règles. MyFlow se destine aux femmes connectées, mais le concept a de quoi laisser particulièrement perplexe, nous dit l'article. On dit donc que parler de règles menstruelles est assez peu fréquent, mais MyFlow est un accessoire suffisamment curieux qui mérite qu'on s'y attarde. Il s'agit d'un tampon qui se connecte en Bluetooth. L'objectif est de s'enquérir par le biais d'une application mobile du pourcentage de remplissage de ton tampon. C'est bright comme idée. Okay. C'est très bright. Pourquoi? Parce que en fait, ce que très peu de gens sachent, et surtout, j'imagine, les hommes... OK, je vais faire votre éducation, monsieur. S'il te plaît, c'est pour ça que t'es là, Tania. Non, mais en fait, c'est qu'un tampon, ça a une durée. Tu peux pas garder ça pendant plus de 8 heures, exemple. Okay. Mais il y a surtout le fait que plus tu vas amasser de sang, plus il peut y avoir des maladies qui vont venir avec. Et tu peux faire une infection quand même assez très dangereuse si tu conserves ton tampon et un taux de sang trop grand à l'intérieur du tampon. Même quelques heures seulement, même si tu le gardes ton 24 heures. Ouais. Exact. Ah, wow. Eh bien, je savais pas ça. Et voilà, c'est donc, dit. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de savoir le pourcentage du remplissage du tampon pour s'assurer que ce dernier ne déborde pas. L'appareil est conçu par une start-up américaine installée en Chine. À l'origine, c'est un projet d'étudiants de l'Université Berkeley en Californie. Ça ressemble à... Ça ressemble à un tampon. Ça ressemble à un tampon, c'est ça. La corde est vraiment plus longue. Ça ressemble à un applicateur en plastique qui propulse un tampon spécifique dans l'entrejambe féminin. Et le tampon en question ne comporte pas d'électronique, mais comporte un long... très long fil de 30 cm sur le prototype, comme tu l'as dit. Ça se relie à un petit boîtier affixé au sous-vêtement. C'est ce boîtier qui assure la liaison Bluetooth, donc le tampon en tant que tel n'est pas intelligent. OK. Le titre de l'article est trompeur. Et c'est voilà. Le bidule qui va dans les bobettes qui est intelligent. Donc, c'est ça, ça assure la connexion avec le téléphone intelligent. Le premier prototype intégrait le capteur Bluetooth à l'intérieur du tampon, mais les ingénieurs ont constaté que les femmes n'avaient pas très envie d'avoir un capteur Bluetooth dans le vagin. C'est ce qu'on nous dit. Je sais pas pourquoi. L'objectif du MyFlow est d'éviter aux femmes les situations embarrassantes, entre autres les fuites. Mm-hmm. L'application permet d'avoir un œil sur le remplissage. La proposition... l'appareil vise également à prévenir le syndrome de choc toxique. C'est sûrement de ça que tu parlais tantôt. Oui, et voilà. Situation rarement rencontrée, mais dangereuse, voire mortelle, associée au fait de garder un tampon trop longtemps. On parle d'une dizaine de jours dans l'article, mais bon... C'est ça. Et voilà. On n'est pas tous sensibles, en tout cas, c'est ça. C'est ça. Le prix non négligeable, ça dit, la firme à l'origine de cette création peu commune compte la vendre aux environs de 50$, tandis qu'un mois de tampons consommables seront proposés aux alentours de 13$. À titre informatif, c'est une somme bien plus élevée que ce que peut coûter un usage mensuel de tampons standard. Présenté récemment à la presse américaine, MyFlow est encore loin d'être à la case commercialisation et cherche encore les investisseurs pour espérer produire sa version finale. Bonne idée, donc ça pourrait avoir du potentiel. Il devrait se lancer un petit Indiegogo, là, ça fonctionnerait, c'est sûr, ça. C'est sûr, ça fonctionne, ça. Ouais. Pourquoi la longue corde, de même? Pour se rendre jusqu'au bobette. Ah, c'est peut-être parce que ça a été présenté aux États-Unis. La corde doit faire, genre, quelques kilomètres pour se rendre à son but. On comprend le gag. Peut-être. Maintenant, on change complètement de domaine. Quoique, si vous voulez vous mettre ça dans le fouin-fouin, vous pouvez aussi. La société Pavlok... propose un bracelet qui vous envoie une décharge de 255 volts si votre compte en banque passe sous un seuil prédéfini. Mon Dieu, Seigneur! Je serais dans un choc constant. C'est clair. Pour économiser de l'argent, il y a plusieurs méthodes. Hein, ne pas se promener avec sa carte de crédit, etc. Mais l'entreprise Pavlok a une idée alternative. Un bracelet qui envoie un choc électrique à votre bras si votre solde passe sous un certain seuil. Une idée qu'on pourrait qualifier de très mauvaise. Ou de très bonne, tout dépendant de comment on dépense. Ou de très bonne. Aucune banque ne semble avoir adopté cette idée saugrenue pour l'instant, selon la BBC. La société Pavlok s'est déjà illustrée dans un style similaire avec une technologie visant à vous forcer à sortir du lit, toujours avec un choc électrique, pour éviter de procrastiner devant Internet ou vous épargner toute autre mauvaise habitude. Si vous préférez la méthode douce, il y a aussi MaxiCompte, un logiciel gratuit pour tenir ses comptes à jour sans douleur. Je ne le connaissais pas. J'aime pas les articles de Clubic qui mettent beaucoup trop de détails pour rien. Y a aussi des outils à batterie intelligente pour éviter que vos voisins ne vous les volent. C'est Black & Decker qui lance Smart Tech, une batterie intelligente qui s'adapte à certains de ses outils et permet de garder la main sur leur utilisation en cas de prêt à un voisin, par exemple. Nommée Smart Tech, la batterie en question est compatible avec tous les outils Black & Decker issus de la gamme 20 volts max petite étoile laser system, principalement commercialisée aux États-Unis. La principale particularité de la batterie, c'est qu'elle est paramétrable par le biais d'un smartphone. Il est possible notamment de voir en un coup d'œil le pourcentage d'autonomie disponible, de géolocaliser la batterie à proximité du téléphone ou encore de programmer des alertes. Elle dispose également d'une connectique USB, ce qui permet de recharger un smartphone par l'outil. Mais sa fonctionnalité la plus intéressante est sans doute celle qui permet de verrouiller son utilisation à distance. Une fonction qui peut être utilisée tout simplement pour des raisons de sécurité. Les enfants peuvent pas se blesser s'ils trouvent un outil avec une batterie verrouillée, par exemple, mais qui peut servir également à bloquer l'utilisation d'un appareil prêté depuis un peu trop longtemps et qu'on souhaite récupérer. La limite de la manœuvre reste l'usage du Bluetooth et comme Black & Decker ne donne pas d'indication sur la norme utilisée par la batterie, la distance maximum de détection est inconnue. On peut tabler sur une dizaine de mètres, ce qui nécessiterait donc d'aller se mettre devant le garage du voisin pour bloquer la batterie. Hein? Eh ben, c'est du trop pour rien ça. Le début de commercialisation de la batterie est prévu pour la fin du mois de mai. Un prix pour le moment inconnu. Ce type de produit s'avère suffisamment intéressant pour que d'autres marques s'y intéressent à l'avenir, nous dit l'article. Maintenant, un collier pour les chiens plein de puces. Alors que les bracelets connectés pour les humains commencent doucement à trouver leur place en surfant sur la santé connectée, la compagnie Jager & Lewis essaie de décliner ce concept aux chiens. Évaluer le bien-être d'un chien grâce à un collier connecté, voilà ce qu'ambitionne Jager & Lewis. L'idée est apparue comme une évidence à son créateur Alexandre Delisle lorsque son fidèle compagnon a eu un ennui de santé. Et je cite, son estomac s'est retourné alors qu'il était au chenil. Heureusement, une personne s'en est aperçue à temps. Le collier veut donc mesurer les comportements anormaux et alerter de la présence d'une pathologie. Ah, c'est bien! Ouais, hein? Le dispositif embarque un certain nombre de puces, accéléromètres, gyroscopes, magnétomètres, Bluetooth et Wi-Fi. Pour l'instant, les informations remontées sont trop lourdes pour être acheminées par un réseau ultra bas débit. Mais le chien ne sera donc pas connecté en permanence. Le maître, lui, va recevoir des notifications régulières sur son mobile ou être alerté si une anomalie se présente. On doit, dans un premier temps, apprendre la routine de l'animal afin d'établir un référentiel sur lequel se baser. Pour générer une anomalie, ses observations propres à chacun sont croisées avec une grille de comportement. Une routine peut changer sans qu'il y ait lieu de s'inquiéter, nous dit-on. Pour éviter les faux positifs, Jager & Lewis interroge parfois le maître via l'application. Et le chien a galopé si le chien a galopé plus qu'à l'ordinaire, est-ce qu'il est devenu hyperactif? Sinon, son maître s'est résolu à reprendre le jogging et a décidé d'en faire profiter le toutou. Ah, que les articles sont mal écrits, hein? C'est vrai. Ah, yark! Sur le collier, il y a un petit écran LCD qui permet d'afficher une information. On dit de ne pas mettre le nom. Car ça pourrait être employé par des personnes mal intentionnées pour amadouer l'animal. OK. On dit que ça va être sur Kickstarter, oui. Le nom devrait être évoqué un produit haut de gamme, nous dit-on, par Jager & Lewis, un petit peu comme la marque de système audio Bang & Olufsen. L'autre enjeu est d'adopter une identité pour pouvoir s'exporter hors de la France. C'est pour ça qu'on a nommé ça comme ça. Wow! Le reste, établi en juillet 2015, le collier est attendu pour la rentrée 2016. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Un jour, un collier. Il est un petit peu gros, le collier, je trouve. C'est vrai, hein? Il est quand même assez massif. On dirait un Saint-Bernard avec un petit... tu sais, le baril qu'il y avait, les Saint-Bernard, c'est un baril d'alcool. C'est vrai. Il y avait quoi dans le cou? Ça, c'est un petit peu trop gros. Ouais. Pourquoi nous autres, on peut avoir une montre qui ressemble à un petit bracelet de rien du tout, Fitbit, puis les autres, ils leur font un gros gadget? Peut-être que c'est parce qu'on est au début de la technologie pour les peut-être chiens. Peut-être à cause du poil. Un autre article de Clubic, je vais passer tout d'une shot pour que ce soit fini après. Trop de bruit au bureau, est-ce que ça t'arrive qu'il y ait trop de bruit au bureau? Pas en ce moment, pas c'est tout seul. Hein? Pas en ce moment. Des collègues peu discrets qui s'éternisent au téléphone ou ont la main lourde sur leur clavier, et bien Jabra lance un appareil qui met le hola quand on ne s'entend plus. Avec le décloisonnement des espaces de travail, s'est développé le niveau sonore dans lequel vous travaillez. Téléphone, clavier, mais aussi échange entre collaborateurs, les sources de bruit sont multiples. Or, plusieurs études ont déjà démontré les effets négatifs de l'environnement bruyant sur le stress. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit pour les aires ouvertes à part pour les boss. Non, je pense pas. Il y a personne qui aime ça, je pense. Mm-mm. C'est trop dérangeant. La qualité de concentration, la productivité, etc. Donc, Jabra lance un dispositif à poser sur son bureau assez étonnant. Ça s'appelle le Noise Guide. Ça ressemble un petit peu à une petite enceinte, donc un haut-parleur PC. Mais en fait, c'est un micro équipé d'une interface visuelle sur laquelle on reproduit le niveau sonore. Il y a un voyant lumineux qui s'allume vert, jaune ou rouge selon l'intensité du bruit ambiant. Et les personnes proches du boîtier savent immédiatement lorsque leur discussion devient gênante pour les autres collaborateurs. Si l'appareil vire au rouge et que vous êtes situé juste à côté, vous saurez que vous émettez trop de bruit. Mais sur quel référentiel se base l'appareil? On nous dit que c'est capable de d'adapter l'analyse en fonction du lieu dans lequel il est placé. Sa sensibilité est différente selon l'endroit de son utilisation, que tu es dans une petite salle ou dans un grand espace ouvert. Tous les environnements de travail ne font pas le même bruit. plus qu'un garant absolu de l'ambiance de bibliothèque, ce dispositif a plutôt pour fonction d'alerter les collaborateurs lorsque le niveau sonore dépasse un certain stade à partir duquel il devient difficile de se concentrer. Donc, ça doit être aux collègues de travail de se la fermer. Mm-hmm. Ça met même pas d'alarme, c'est une lumière en tant que telle. Si cette lumière t'es là puis tes collègues font du bruit dans le bureau d'à côté ou à l'autre extrémité de la pièce, ça changera pas grand-chose. Non, en effet. Je pense pas pouvoir me servir de ça, malheureusement. Un bracelet connecté encore, mais qui contrôle le taux d'alcoolémie maintenant. Ah, d'accord. L'entreprise américaine Backtrack est depuis quelques jours sur les devants de la scène après avoir remporté un prix lié à son bracelet Skin, SKYN. Ce dernier permet de mesurer le taux d'alcoolémie grâce à la sueur. L'Institut national sur l'abus d'alcool et l'alcoolisme, une branche de l'Institut national de la santé américain, a décerné un prix à la start-up Backtrack. Celle-ci s'est vue récompensée de 200 000 $ pour avoir conçu le Skin, un bracelet connecté capable de mesurer le taux d'alcoolémie de son porteur grâce à des capteurs biométriques. Précisément, c'est par la sueur que le bracelet est capable de détecter l'alcool présent dans l'organisme du porteur. Le Skin dispose d'une technologie de pile à combustible similaire à celle utilisée par les forces de l'ordre aux États-Unis durant les contrôles d'alcoolémie. L'alcool est détecté et mesuré avec une surveillance transdermique qui permet de suivre les molécules d'éthanol qui fuient à travers la peau, explique l'entreprise. Un algorithme développé par Backtrack permet ensuite de déterminer le taux d'alcoolémie du porteur du bracelet par l'intermédiaire d'une application mobile, évidemment, et d'une connexion Bluetooth. C'est toujours ça. Tout le temps. Le Skin peut donc alerter son propriétaire lorsqu'il boit trop, tout en monitorant, au quotidien sa consommation d'alcool qui peut être suivie par un médecin. Côté sécurité, il peut déconseiller de prendre le volant en cas de trop grosse consommation. J'aimerais s'il y avait un système dans la voiture qui serait... Connecté. Tu peux pas partir ta voiture maintenant. Ce serait génial. Ça serait vraiment cool. Et que le bracelet puisse pas être enlevé de ton bras quand t'es sous. Aussi. Parce qu'en tant que tel, tu sais. Ce bracelet est actuellement très remarqué en raison du prix qu'il a reçu, mais il n'est pas encore prêt à arriver sur le marché. Il va falloir que la FDA américaine donne son accord pour qu'il puisse être commercialisé. Backtrack espère pouvoir commencer à produire le Skin à partir du quatrième trimestre de 2016, mais quelle bonne idée paraît. C'est très, très intelligent. Fort. On va essayer de réinventer la roue maintenant. Ah ouais. Ouais, les Français de Roulin nous ont proposé à Cubic.com de tester leur deuxième génération de roues électriques, la Smart. Leur idée est tout à fait... il y a une vidéo qui se met à jouer tout seul. Non seulement vous écrivez des articles de marde, mais en plus vous jouez des vidéos tout seul. Donc une idée enthousiasmante, nous dit-on. Transformer n'importe quelle bicyclette en vélo électrique par le simple changement de la roue avant. Le tout saupoudré d'une dose de connecté. Hein? Ah, OK. C'est une société française détenue à 26% par le Fonds régional de co-investissement d'Île-de-France qui a été créée début 2013. La société française, pas le Fonds régional. Les deux entrepreneurs à l'origine du projet disent avoir voulu se pencher sur la problématique de la mobilité en milieu urbain et périurbain. Sans aucunement mettre en doute leurs aspirations écologiques, dit Cubic, il faut bien admettre que les moyens de transport personnel électrique ont le vent en poupe ces derniers temps, portés notamment par les vélos à assistance électrique, ce qu'on appelle les VAE. Leurs ventes ont augmenté de 37% en 2014 et plus de 30% en 2015, d'après l'Union nationale de l'industrie du vélo. Voilà. Donc, la Roulin Smart est déclinée en trois tailles, 20 pouces pour les vélos pliables, 26 pouces pour la plupart des VTT et les vélos de ville féminins, ou 28 pouces pour les autres véhicules, les vélos de ville masculins, les vélos de trekking, les vélos hollandais, les vélos de fitness. Dans tous les cas, le Smart englobe un moteur brushless de 250 watts dans le moyeu, je connais pas les termes de vélo, et une batterie lithium-ion de 30 volts à 9 Ah, donc une Panasonic ou une Samsung disposée autour. Le tout est caché par deux capots de protection en aluminium, tandis que la jante est chaussée d'un pneu de 1,5 pouces avec chambre à air. Donc techniquement, on a juste à monter cette roue en lieu et place de la roue de votre vélo. On met le boîtier sans fil Bluetooth au pédalier. Ça, c'est le détecteur de vitesse. Et nous voilà avec un vélo un vélo à assistance électrique. Voilà, assistance électrique en tant que tel. Mm-hmm. La vélo va vous faire avancer autant que vous allez pédaler, peut-être, j'imagine. Il va falloir pédaler un petit peu moins avec un vélo qui est en partie électrique. Bonne idée quand même. Roulin, R-O-O-L-I-N. Maintenant, des lunettes interchangeables. Une des choses qui rend les lunettes assez plates, c'est de trouver une forme de lunettes qui va bien avec ton visage. Oui. Souvent, c'est d'en acheter plusieurs parce que tu veux varier un peu. Tu veux pas tout le temps avoir les mêmes lunettes. C'est vrai. Ce serait le fun. Donc, il faut que ça aille avec ton style, avec ton visage. Framery Interchangeable Eyewear. rend ça un petit peu plus facile en vous permettant de changer le frame de votre lunette, comment t'appelles ça, la monture de votre lunette, aussi facilement que tu changes tes souliers. Ah, OK. Ce design de Cincinnati fait à la main fabriqué à la main en Italie d'un acétate ajustable. Donc, chaque monture a son propre style unique, mais partage une forme commune et une grandeur commune avec les autres montures de la collection. Donc, ça vous permet de changer les verres avec ceux de prescription ou des verres pour bloquer le soleil, les lunettes solaires. Donc, on peut les changer facilement en utilisant deux. Sinon, tu peux avoir aussi deux ensembles de verres et utiliser les deux verres sur la même monture. Tu pourrais changer tes verres pour mettre des verres de soleil sur ta même monture, ou tu peux changer de monture avec un look différent mais avec la même forme de vitre. Donc, dans le fond, c'est la même forme de sur les côtés de la vitre, mais le reste, les branches peuvent changer, tu comprends? Tu peux changer la couleur, tu peux changer le look des branches, etc. Donc, tu peux pas changer la lunette au complet, mais quand même, c'est proche. C'est pas super, ouais, c'est ça. 100$ et plus sur Framery Interchangeable, blablabla. Allez voir le lien sur Assemblage Rocket Point. Ensuite, pour ceux qui aiment les jeux vidéo, tiens, ça s'appelle Framed Tech. Pour montrer votre amour pour les manettes et les autres gadgets technologiques, Framed Tech rend hommage à vos gadgets vintage en les désassemblant en morceaux et en les arrangeant systématiquement pour faire un chef-d'œuvre. Donc, chaque manette, par exemple, est défaite et mise sur un tapis de PVC de 3 mm d'épaisseur, placé dans un cadre personnalisé fait à la main. Que ce soit un Atari, un iPhone, la collection a quelque chose pour tout le monde. Dans ce cas-ci, on voit une manette de PlayStation et un vieux iPhone. Et vraiment, t'as le derrière, le devant, le côté, la petite plaquette qu'il y avait à l'intérieur, les petits fils qui attachent tout ça. Et tout ça est placé de façon parallèle et droite sur le cadre. Et on vous envoie ça par la poste pour 450$ et plus. Oh, juste ça! À peine. Écoute. À peine. Ensuite, c'est un ensemble à cocktail pour les aventuriers. OK. Pour ceux qui aiment amener leur alcool en camping, par exemple. Que ce soit en promenade, camping ou n'importe où dans la nature, vous pouvez aussi boire de l'alcool avec le Stanley Adventure Cocktail Set, qui a tout ce qu'il vous faut pour vous calmer les nerfs un peu loin de la civilisation. Hein. Ça inclut un tumbler, un shaker. Tumbler, c'est pas ma faute qu'un shaker, un tumbler. Je pense pas. Non. Avec un truc pour les agrumes, pour faire du petit jus d'agrumes. Jus d'agrumes. Je connais tellement pas les termes. Un jigger cap pour faire du jigger. Non, je crois que le jigger cap, c'est pour calculer le nombre d'onces. Ah, voilà. Soit 2 ou 4 verres, des rocks glasses, avec une paroi double pour garder votre boisson bien froide et vos mains bien sèches. Tous les morceaux sont faits d'acier inoxydable 18-8 stainless steel. Pour ne pas rouiller. Et tout ça s'embrique les uns dans les autres de façon poupée russe pour être transporté facilement. 25$ sur Amazon. On s'entend que c'est pas cher pour le shaker, non, tumbler. Non, c'est pas super, honnêtement. Et le kit, ça ressemble à un petit thermos. C'est super cute. Moi, j'aime ce look-là. C'est un style acier brossé un peu. Ouais, ouais. Et ouais. Non, pas chrome. Je déteste le chrome. C'est tellement laid pour moi, le chrome. Ah, tiens, Tania! t'aimes la crème glacée? Je viens de tomber dessus. Est-ce que t'aimes la crème glacée? Réponds à mes questions. Est-ce que t'aimes la crème glacée? J'en mange rarement parce que je suis intolérante au lactose. Oui, absolument. Mais il y a aussi des yogourts. Pas yogourts, des... Des sorbets. Des sorbets glacés. Oui. C'est tellement bon, ça. Sorbets, oui. Est-ce que t'aimerais assez ça pour te le mettre entre les foufouines? Non, pas vraiment. Non, c'est donc, c'est un petit peu plus par en avant que... L'autre. Non, c'est un vibrateur en forme de cornet de crème glacée. Hein? Donnez-vous une bonne raison d'avoir froid dans votre genre. Hein? C'est terrible comme idée, moi, je trouve. Tu vois? C'est... Ouais, qui se met de la bouffe? Mais t'as 10 modes de vibration différents. Et c'est dans une boîte style années 20. Oh, mon Dieu. Pour 79,13$. OK. Malade, hein? Et sur la même page, si vous allez sur assemblagerequis.com, t'as aussi un cornet de crème glacée qui empêche ta porte de fermer. OK. T'as aussi un cornet de crème glacée double. Donc, tu vas pouvoir mettre deux boules côte à côte dans le cornet, ce qui est quand même cool. Oui. T'as une lampe en forme de cornet. T'as un cornet motorisé pour pouvoir faire tourner la crème glacée. C'est pas idéal. T'as un vibre... ça, le reste, c'est pas de la crème glacée. Hein. Ah, t'as un truc pour barrer ton pot de crème glacée pour pas que personne puisse t'envoler. Ah! Tout ça dans la même page. Comme un cadenas. C'est incroyable. C'est fou! Décorer, c'est cool. Des plantes, c'est cool aussi, mais les entretenir, c'est plate. Ah ouais? Bon, je trouve, ben tu vas en parler tantôt, peut-être que c'est pas si plate que ça, ouais. Mais peut-être pourrais-tu amener un petit peu de beauté naturelle dans ta maison urbaine en accrochant ces plantes. Artisan moss plant. Moss, c'est comme de la, comment on appelle ça, mousse. La mousse. Ouais, c'est ça, de la mousse. Oh ouais, la mousse. Qu'on trouve sur les arbres, entre autres. Donc, chaque structure unique est fabriquée à la main, sélectionnée avec grande attention. C'est comme de la petite fleur verte. Voilà, idéal pour ajouter de la vie sur un mur. Pour $633.50, pour c'est avoir comme de la mousse Dieu, là. Sur ton mur, ouais. On dirait du brocoli, sinon. Ouais, c'est vrai. Ensuite, tiens, on va revenir à ce qui est mangeable. En fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de choses mangeables. Le cornet n'était pas mangeable. Quoique, ce qu'il y avait autour était mangeable. Oh. Non, c'est un un kit pour faire vous-même vos propres shooters en biscuits. Hein? Pour pouvoir mettre du lait dedans. OK. Et après ça, manger le biscuit. Ah hein? Oh, oui, ben oui, ben oui. J'ai déjà entendu parler de ça. L'intérieur est en chocolat bien, bien dur, croquable, et l'extérieur est en biscuit. Mm-hmm. Pâte à biscuit. C'est cuit. Je pense que c'est cuit, en fait. Ouais, je crois que c'est cuit. Ouais. Donc, facile à faire. Ça vient avec un moule de silicone non collant qui va permettre de faire 6 petits shooters, cookie shot glasses. Idéal pour les remplir de lait, comme on disait, $25 pour l'ensemble. Quand même pas trop cher. C'est pas trop cher, non, en effet. Et ça vient vraiment avec tout, là, avec le moule de silicone, avec la petite machine qui fait fondre le chocolat pour mettre dans le rack. Tout ça est vraiment très bien pensé. Donc allez voir ça sur assemblagerequis.com. Il y en a qui le remplissent de Baileys au lieu de le remplir de chocolat. Ben, mon tazine. Je dis ça comme ça. Et toutes les sortes de Baileys, là. Baileys, il y en a un à cannelle. Oui, oui. Baileys au chocolat puis aux cerises, miam. Ensuite, t'aimes peut-être les petites boules que tu peux brasser puis ça fait tomber de la neige? Oui! Comment t'appelles ça, les boules de neige? Des boules de Noël, là. Boules de Noël. Ouais, bon. C'est ça. Tu pourrais avoir la même chose sur une bague. Ah, ouais. Accentuer un petit peu ton look avec la beauté de la nature. C'est fait à la main de bois et c'est disponible dans plusieurs couleurs avec chacun un petit paysage miniature mais quand même détaillé, comme une forêt dans ce cas-ci sur la photo. Il y a aussi une petite ville, une grande ville en fait. Plein de trucs comme ça, des nuages, bon. Et t'as la neige qui peut shaker dans ta bague. Oh. 110$! 110$! 110$ sur mysecretwood.com. Hein? Mais c'est fait à la main. Ah oui. Ah oui. On revient au truc féminin, Tania. Oui. T'auras rien à te mettre entre les jambes, par contre, cette fois-ci. Quoique, okay. Hein, c'est pour empêcher de faire des ampoules à l'arrière de tes pieds. Ah, oh, ça, c'est parfait. Ça, on aime ça. Je t'imagine pas avoir des ampoules entre les jambes. Non. C'est non. Donc, Shoe Blister Preventing Spray, c'est un spray. Tout ce qui est plus simple, okay. Que tu vas mettre dans tes sur le derrière de ton pied, mm-hmm. Directement sur ton pied. On ne dit de pas le mettre dans le soulier, à talon haut, par exemple. On le met directement sur le pied et quand le spray sèche, ça forme un genre de polymère. Ah, d'accord. Et c'est fait pour créer une barrière anti-friction invisible entre tes souliers et tes pieds. Ah, ça, on adore ça. Ce qui va comme faire si t'avais des petits bas. Tu sais, les petits bas, là, mm-hmm. Qui sont faits juste pour le bout du pied et le talon. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu ouais. Le même genre, sauf que t'as pas à mettre des petits bas. Hein? Durable, ça respire bien, c'est à l'épreuve de la sueur. C'est une barrière invisible complètement. Et ça s'accroche à la peau pour $22 la bouteille de spray. Ah, mon Dieu! Chaque femme aurait besoin de cette petite bouteille, ma foi. Ben, tu vois, ça paraît parce qu'ils ont réussi à presque doubler leur prix sur Kickstarter. Ils sont rendus à 40 000 sur 25 000 et il reste encore 8 jours. Et c'est fait vraiment pour empêcher les bulles. J'en doute pas. Ouais, c'est vraiment cool. Hmm. Et finalement, pour terminer tout ça, c'est un gros genre ah! De... Ouais. C'est un peu, ça remplace votre couverture que vous portez quand vous êtes devant un film. Ou Monsieur Michelin. Ou Monsieur Michelin. C'est fait en laine. C'est un chandail col roulé. Donc, tu peux mettre ça par-dessus ta tête et tu peux le descendre sur autour de tes épaules. Et c'est vraiment comme un gros chandail, mais en grosse laine. Hey, mais il doit faire tellement chaud. Mais l'hiver, t'imagines avec un petit chocolat chaud, des guimauves. Ah non, arrête, ferait ben trop chaud. Ah, je serais pas capable de mettre ça, je pense. Combien paierais-tu pour avoir aussi chaud? Clairement pas cher. Clairement pas 1057,65$. Non, exactement. Oh hey, c'est fou, elle peut pas aller faire pipi. Ben, c'est ça, chandail. Ben non, si tu regardes, elle l'a jusqu'au pied, c'est un jumpsuit. J'ai pas descendu ça, ouais. T'as raison. Elle est même pas capable de sortir ses mains de là. Ouais. C'est un jumpsuit. C'est terrible. $1000. Voilà, c'est tout pour cette chronique de Sexy, si ça devrait répondre là. Les liens sont sur assemblagerequis.com. On a fait beaucoup trop de gadgets, je pense. Mm-hmm. Je ferai pas un deuxième bloc de ça. 38 minutes qu'on vient de passer à faire des gadgets. Mais on a eu du plaisir quand même. Ben oui. Autour de la pause, ça va être ta chronique à toi, Tania. Uh-huh. Tania's got her titine, yeah. Restez là. Aujourd'hui. Trois-Rivières. Vous êtes à Cibout? À Trois-Rivières, c'est le 89.9. Assemblage de qui? Toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Toujours à Assemblage Rocky pour la semaine du 23 mai 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plon. Mm-hmm. Depuis les dernières semaines, en fait, depuis le début de l'été, on n'a pas tellement joué les palmarès dans l'ordre. Non, c'est vrai. On risque de continuer comme ça parce qu'on a trop de contenu. Mm-hmm. Hein? Mais quand même, on devrait se permettre d'écouter les nouvelles entrées une fois de temps en temps. Et là, ça donne qu'on a quand même pas mal. En fait, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cette semaine. Mm-hmm. Ouch! Donc, on va en écouter une fois de temps en temps. Okay? Ben oui, pourquoi pas. On va y aller du côté francophone avec Ariel. Ben oui, Ariel, Ariel et la pièce, comme toi. Ah, ça l'a joué. formation Ariel Ariel avec la pièce Comme toi. Il ne faut pas confondre Ariel, le groupe de musique montréalais, avec Ariel Ariel, qui est apparemment un autre groupe. Les deux nommés en l'honneur du membre principal qui s'appelle aussi Ariel. Donc, je ne sais pas trop. Pas sûr de mes. C'est Mela, c'est Mela. On va leur dire, messieurs, mesdames, vous êtes Mela. Exactement. Voilà. Allez voir sur Facebook, c'est Ariel Ariel Music en anglais. Vous êtes toujours à Assemblage requis. Après cette nouvelle nouveauté musicale, et annoncé qu'une fille qui est tout le temps en renouveau constant dans sa chronique, Tania Baudin, voici Tania's Gonna Entertain Ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Salut Tania. Hello. Comment allez-vous, madame? Hey, ça va bien. Très grosse fin de semaine. Ah oui, longue fin de semaine. Ben oui, oui. C'est une grosse fin de semaine de course, mais longue fin de semaine, on le sait, hein, c'est la fin. On a de la difficulté en studio. On s'enligne pas. Non, on s'enligne pas. Attention. Mais tout ça pour dire que on est mardi déjà. Oui, la semaine passe vite. Oui, jour de la reine ou peu importe hier. Et voilà. Ou des patriotes. Ou de ce que ça vous tente, un lundi comme un autre de congé. Ça dépend à quoi vous croyez. D'y aller comme ça vous tente, on vous jugera pas, mais ça faisait que t'avais beaucoup de courses à couvrir, de haut. Exactement. Ouais. Mais ça fait aussi en sorte que hier on avait congé. Oui. Et là, il faut savoir que l'idée de ma chronique aujourd'hui m'est venue parce que ma mère, en fait, a décidé, durant la fin de semaine, lorsque moi j'étais partie, de faire un jardin. Oui, j'ai vu des photos passer. Oui, c'est ça, elle a fait des photos, elle a fait des vidéos, elle était bien drôle, je l'ai trouvé bien comique. Je lui ai dit. Et ça m'a donné aussi le goût de vous parler de jardin, de vous parler de fruits, puis de vous parler de légumes. Donc, c'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous parler de fruits, de légumes, mais aussi de jardin. Mais peut-être une différente sorte de jardin que ceux qu'on connaît habituellement. Okay. Parce que, on le sait, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un immense jardin ou qui a la chance... Ou une cour, même en général. Exactement. Ou la chance d'avoir une cour. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que je rentre en ligne de compte et que je vous explique ce que vous pouvez faire. Mais je voulais tout d'abord vous parler de certains fruits et légumes qu'on sait quand même sains, que bon pour la santé, et des fruits et légumes qu'on retrouve assez souvent en été. Mais bien souvent, ce que l'on saura peut-être pas, c'est vraiment à quel point ils sont remplis de bonnes choses pour nous. Donc, c'est-à-dire, oui, on sait, c'est bon pour la santé, c'est correct. Sauf que, qu'est-ce que ça amène à notre corps exactement? Eh bien, c'est un petit peu ce dont je voulais vous parler en début de chronique. En premier lieu, qu'est-ce qu'il y a de meilleur que de manger du melon d'eau en plein été? Absolument rien. Un popsicle au melon d'eau. Non. Un melon d'eau. J'ai mis le melon d'eau chimique qu'à le vrai melon d'eau. Oui, c'est ça. Hein? C'est vrai que par contre, le goût du melon d'eau chimique est quand même assez bon, mais c'est souvent à cause du sucre. Ben oui, c'est ça. Parce qu'un melon d'eau, en tant que tel, ça goûte pas mal plus l'eau que d'autres choses. C'est vrai. Hein? Mais on va se dire, c'est une source d'eau. Oui. Et une source rafraîchissante assez exceptionnelle. Là, on aime tous ça. Est-ce qu'il y a plus d'eau dans un melon d'eau que dans un humain? Est-ce que tu serais mieux de manger un humain? Est-ce que tu as déjà remarqué que quand tu manges vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de melon d'eau, à un certain moment, tu te sens gonflé? Je me sens gonflé en permanence. Mais ça, c'est un autre problème. Mais c'est parce que tu prends vraiment une grande quantité d'eau parce que le melon d'eau est vraiment gorgé d'eau. Donc, à ce moment-là, ton corps est comme... C'est plus trop comment gérer. Mm-hmm. Comme on dit, toute bonne chose se prend avec une certaine dose. Tout le monde dit ça. C'est ça. Mais oui. C'est des pages roses du dictionnaire, je pense. Voltaire. Est-ce que tu ris de moi, non, Mathieu Plante? Non, je m'estresse, mais non. Mais non, aucunement, hein? Aucunement. Bon, bien, sachez qu'à part contenir de l'eau, là, le melon d'eau, ça a vraiment une immense dose de vitamine A et de vitamine C. OK. Donc, tu sais, exemple, quand on va parler durant l'hiver qu'il nous manque un petit peu de cette fameuse vitamine C-là, si vous allez manger du melon d'eau, ça va vous aider. Mais bien souvent, on va retrouver le melon d'eau en été, donc c'est un aliment d'été qu'on sait sain et qu'on aime, disons-le. Il est plein de potassium aussi et d'antioxydants contre le cancer. Ah. Donc, de ce côté-là, si on décide de se lancer dans le melon d'eau à la pelletée durant l'été, là, ben, allez-y pour quelque chose parce que c'est vraiment très bon pour la fonction artérielle et pour abaisser aussi la tension sanguine de votre corps. Donc, de ce côté-là, on va mettre le melon d'eau de notre bord, on va en acheter. C'est vrai que parfois... On se mettra pas le melon d'eau à l'eau, comme on dit. Non! Mais c'est vrai que parfois, ce qui est plate avec avec un melon d'eau, c'est qu'on doit l'acheter complet. Faut le décortiquer nous-mêmes, faut qu'on le coupe. C'est ça, long. Et t'as c'est vu long, que tu mais... peux les acheter pré-coupés, mais c'est trois fois le prix. Oh mon Dieu, oui, c'est tellement plus cher, mais c'est tellement bon du melon d'eau. Tellement plus facile. Un autre aliment dont je veux vous parler, c'est la crevette. Crevette. Crevette. Eh ben. Rose aussi, les deux sont roses. Ben oui, la petite crevette d'été, vous savez. Voyons. Qu'est-ce que ce sont... Est-ce que tu parles comme un bébé quand tu fais cuire tes crevettes? Tu fais comme... Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Mais il y a plusieurs médecins qui disent que les crevettes contiennent vraiment beaucoup de cholestérol. Par contre, il faut savoir aussi que oui, c'est vrai, elle va contenir du cholestérol, mais elle contient du bon cholestérol. Et aussi, elle est très, très faible en gras. Donc, c'est excellent pour un petit souper léger d'été. Tu sais, souvent, l'été, on ne voudra pas manger comme un espèce de gros steak qui va être très, très amorphant. Je ne sais pas si ça se dit, là, mais ça va devenir lourd. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, on va vraiment aller chercher des petits repas légers. Et de ce côté-là, les crevettes, c'est riche en protéines, c'est faible en gras et ça constitue vraiment une source d'oméga-3 dont on a besoin dans notre corps. Donc, gardez en tête les crevettes aussi pour la vitamine B12 qui, elle, va venir protéger le cœur. Donc, durant l'été, quand on veut pas de gros repas, là, allons-y avec les petites crevettes roses. Comme on dit, tu prends ta corvette, ça va sur corvette, t'achètes des crevettes. Hein? Oh, c'est comme ça que tu dis comme ça, ça, toi? Ça, OK, c'est bon. Je pense pas qu'il va y avoir de crevettes chez Corvette, non. Non, je pense pas non plus. C'est un marché qui devrait, pourtant, ça fit avec eux autres. C'est vrai. Mm. On le sait, la laitue, c'est bon pour la santé, mais la laitue Iceberg, précisément, oui. Semblerait, en effet, qu'une tasse de feuilles déchiquetées, là, tu sais, c'est une laitue qui se déchiquette assez bien, merci. Donc, si on en prend une tasse de feuilles déchiquetées, ça fournit environ 20 % de nos besoins quotidiens en vitamine K. Et 15 % de... Ça existe même pas! Et de... c'est quoi ça? Et 15 % de vitamine A. Donc, même si on l'utilise comme une base de salade avec d'autres légumes ou quoi que ce soit, ben on va vraiment venir chercher une nutrition qui va être à son plein maximum parce que ça fournit vraiment beaucoup des vitamines dont notre corps a besoin et que parfois, on sait pas qu'on a besoin de ces vitamines-là et on va le savoir en mangeant ça, en fait. C'est vraiment très, très bon. J'en ai acheté cette semaine pour la première fois de ma vie. Vous allez être fiers de moi? Oui. En fait, je sais pas si tu vas être fier de moi parce que tu t'en fous. Mais oui, Mathieu. Mais j'ai acheté une laitue, tu sais, en feuille. Ouais. J'ai lavé, je l'ai faite passer. Tu l'as-tu mangé maintenant? Ben oui. OK. Puis je l'ai passé dans le truc pour enlever l'eau, peut-être. Ah oui? T'as une essorère à salade? Oui. Oh mon Dieu, Mathieu. First time. Je sais que c'est impressionnant. Je suis très fier de toi. Merci. Un autre aliment que parfois, on va se dire, oh non, c'est pas super bon pour la santé, mais sachez que c'est bon pour la santé. Selon comment est-ce qu'on va le cuisiner, c'est le maïs soufflé. Ah ouais, nature. Oui, exactement, nature. Donc là, on essaie d'éliminer vraiment le gras, là, le beurre, le sel, puis tout ça. C'est vraiment quand on va venir le faire éclater de forme très saine, là, comme tu disais, nature, là, avec absolument rien dessus, autre peut-être un petit peu d'huile pour arriver à faire justement... éclater les grains, eh bien, sachez que ça peut contenir plus d'antioxydants que certains fruits et légumes. Et il y a un expert en nutrition pour le magazine Today qui dit que quand il est éclaté à l'air et servi sans beurre, le maïs soufflé est faible en gras et très riche en fibres. Mmh. 5 grammes de fibres dans une portion de 4 tasses, c'est vraiment impressionnant pour une collation, surtout pour le maïs soufflé, qui parfois, on va le mettre surtout dans la catégorie, tu sais, des cochonneries. Là. Ouais, ouais. Mais si on y va vraiment du côté sain, sans beurre, sans sel, puis tout ça, c'est vraiment un très bon aliment durant l'été. Puis c'est pas quelque chose qui va devenir lourd, comme exemple, non. Un sac de chips. Là. Puis ça satisfait quand même le tu veux, du croustillant, des fois, oui, là, pour exactement. Une collation, c'est très bon. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que bien souvent, c'est le cerveau qui va tout simplement vouloir entendre cruncher. Ouais, ouais, ouais. Donc, si on va chercher un aliment qui va venir faire en sorte un petit peu le même bruit ou la même connotation pour le cerveau, mais là, on va vraiment avoir rempli nos petites cases, on va avoir fait nos petits crochets pour que le cerveau soit vraiment... ne cherche plus à aller manger de la bouffe malsaine un petit peu. Si, mettons, tu veux t'acheter du popcorn puis faire ça nature comme ça, tu peux acheter n'importe quelle sorte de popcorn en sac? Puis ça, oui, exactement. Ça tu peux même acheter les grains sans huile directement et les faire cuire toi-même. Bien évidemment, c'est sûr qu'on va demander à avoir une machine à popcorn. Ouais, là, ouais. C'est ce qui va aller... C'est pas cher, ben, c'est pas très, très dispendieux. Je vous dirais que si vous allez chez Stokes, il doit en avoir en rabais. Tout est tout en rabais chez Stokes. Et où l'argent de Stokes, c'est pour ça? Ah oui? Non, mais tu sais, ça, c'est... Stokes, on a mentionné s'il vous plaît. Mais c'est vrai que tout est tout le temps en rabais chez Stokes. Donc, si vous allez là-bas, c'est clair, vous allez trouver une machine à popcorn en rabais. Là, c'est pas croyable sinon. Le céleri, bien évidemment. Le céleri, ça contient étonnamment une gamme de nutriments qui est excellente pour vous, comme des composés anti-inflammatoires qui apaisent vraiment les voies intestinales, des anti-intoxydants qui vont combattre les maladies digestives et des vitamines comme, exemple, l'acide folique, les vitamines K, encore une fois, et vitamine C. Donc, croquez-le la prochaine fois que vous allez ajouter votre Bloody Caesar là, ou votre Bloody Mary, puis utilisez-le comme... comme une bonne collation. Comme cure-dent. Comme cure-dent. T'aimes pas le céleri, Mathieu? Je trouve que ça goûte... C'est l'affaire que je trouve qui goûte le moins quelque Pour chose vrai? Au monde. Comment ça? Ça goûte à rien. Ah, oh, moi, je trouve ça tellement bon, ça le céleri. Ça goûte l'eau. Donne-moi un plat de céleri, là, je vais vraiment être contente. Tu mettons dans un truc de crudité, je vais prendre carotte avant ça, je vais prendre des petits bouts de radis, je vais prendre des cocons, mais jamais des céleri. Pour vrai? Ah! Ouais. Oh. Ouais. C'est triste? Ouais. Mais bon. Une chance que j'ai des alternatives. Au moins, au moins tu manges d'autres sortes de... Légumes. De légumes. Comme... Non, ben oui, la laitue maintenant, là, ça fait partie de ton alimentation, donc ça, c'est très, très bon. Ouais. Maintenant, parlons jardin, parlons potager. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est ce qui m'a donné l'idée de ma chronique aujourd'hui. Et comme je le disais, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une cour pour pouvoir en faire. Il y en a plusieurs d'entre nous qui vivent en appartement ou parfois on n'a juste pas la chance d'avoir, exemple, on vit à un deuxième étage puis notre propriétaire vit en bas. On n'a pas la chance de pouvoir se faire un petit carré dans leur cour pour pouvoir se faire notre propre jardin. Donc, sachez que c'est possible de le faire en appartement. Ça se voit de plus en plus. Oui, sur le bord des balcons aussi. Ben oui, exactement. Puis c'est surtout la mode, là. Tu sais, si vous allez sur Pinterest, là, vous allez voir, il y a plein d'images, il y a plein d'idées et il y a surtout de bons trucs pour pouvoir arriver à faire votre propre jardin dans un appartement. Donc, sachez-le, ce qui est très, très, très le fun, c'est d'accrocher des jardinières aux rampes ou même en accrocher au plafond. Mm-hmm. Donc, si vous avez une galerie, par exemple, sur laquelle vous pouvez accrocher des choses au-dessus de vous, bien, vous pouvez très bien accrocher ce qu'on appelle des jardinières et faire pousser soit des légumes ou des fines herbes à l'intérieur. Et c'est ce qui va vraiment vous donner cette espèce de côté-là où vous allez pouvoir vous dire « c'est correct, je fais pousser mes propres affaires ». Je me sens mieux. Eh bien, sachez que ce qui est le plus facile, là, quand on commence vraiment, on se dit, par exemple, c'est notre première année en appartement, on se dit, moi, je veux me faire un petit jardin, je veux faire pousser mes propres affaires. Ce qui est le plus facile, c'est les jardins aromatiques, c'est-à-dire les fines herbes. D'y aller avec de la ciboulette, faire pousser de la menthe, du persil, du basilic, donc toutes ces espèces de petites fines herbes-là. Ça va demander du soin, mais ça ne demandera pas une très, très grande organisation à pouvoir y arriver. Et comme tu le disais, parfois, on va juste pouvoir aller chercher des petits pots, puis mettre tout simplement les graines ou les fines herbes et pouvoir voir monter durant l'été. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment facile, puis ça ne demande pas un énorme soin, comme je le disais. Par la suite, il y a les légumes. Les tomates cerises, c'est vraiment génial quand on veut avoir une quantité phénoménale de tomates. Je vous dirais pas d'aller chercher des grosses tomates si vous êtes en appartement parce que ça va être un petit peu plus difficile à faire pousser. Mais si vous y allez pour les tomates cerises, c'est une très, très bonne alternative. Et souvent, mais moi, je trouve que ça goûte plus. Mm-hmm. Les fameuses petites tomates cerises, souvent, ça va être peut-être même plus juteux. Donc, tout dépendant du style de tomates que vous aimez, là, y a des tomates jaunes, des tomates vertes et blablabla. Donc, si vous y allez, allez-y pour les tomates cerises parce que, encore une fois, ça va vous demander beaucoup moins de soins si vous êtes en appartement puis que vous décidez de le faire, pousser sur votre galerie ou votre balcon. Bien, allez-y selon le temps d'heure que vous avez aussi de soleil. Il faut prendre en considération que c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que vous allez faire pousser qui vont demander un temps X de soleil et, exemple, un temps X de noirceur durant une journée. Donc, il faut vraiment, tout d'abord, penser à si vous pouvez le faire selon où vous habitez. Ouais. Parce que c'est sûr que c'est... Tu sais, si vous habitez dans un immeuble qui est entouré d'autres immeubles et que vous n'avez jamais de soleil sur votre balcon, bien... Ça sera pas très, très possible. Tu sais, il y a des fruits et légumes qui pousseront jamais parce qu'ils n'auront pas la lumière dont ils ont besoin. Par contre, si vous avez cette opportunité-là, bien, sachez aussi que la salade, ça peut très bien être mis dans des jardinières sur le bord du balcon. Donc, ça peut très bien pousser et ça va repousser aussi très, très vite. Ce qui arrive, c'est que bien des gens, après avoir consommé leurs légumes ou leurs fruits, vont vraiment tout jeter ce qui reste. Là, si vous voulez vous faire un jardin dans un appartement, pour X raisons, exemple, vous voulez économiser, bien dites-vous de ne pas jeter la plupart des choses que vous penseriez à jeter. C'est-à-dire, votre pied de salade, ne le jetez pas. Remettez-le dans votre bac sur votre balcon et vous allez avoir une autre salade qui va pousser grâce à ça. Même chose pour l'ananas, la carotte, le gingembre, l'oignon, l'avocat, le noyau de l'avocat. C'est des choses qui vont vraiment pouvoir vous aider à faire repousser d'autres légumes et d'autres fruits par la suite. Donc, si vous y allez vraiment du côté économique pour pouvoir vous faire un jardin, bien, c'est une des meilleures choses à faire. Puis, c'est pas très difficile. C'est vrai que parfois, c'est le temps qui nous manque de faire un jardin, de devoir se dire, OK, bon, ben là, je vais planter mes petits, je vais faire ci, je vais faire ça. Si vous êtes du genre à pas vouloir vous faire pousser des fruits ou des légumes, mais que vous voulez avoir cette espèce de, tu sais, là, le petit look vert, là, autour de chez vous. Looké, pour avoir c'est l'impression, pour donner aux gens l'impression que t'es... Pour avoir l'impression que vous avez un jardin ou, tu sais, vous aimez les plantes, mais vous avez pas le temps, vous avez jamais le temps, vous y pensez tout simplement pas à arroser vos plantes, bien, sachez qu'il y a quelque chose qui est très, très à la mode présentement et depuis quelques temps, et ça s'appelle le terrarium. Mmh. Est-ce que tu sais ce qu'est le terrarium? C'est pas pour les animaux, ça? Non, ce n'est pas pour les animaux. C'est une plante qu'on peut tout simplement oublier d'arroser pendant plusieurs semaines. Ça, j'aime ça. Hein, à parce vous? Que j'ai déjà fait faire mourir des plantes en faisant là, ça. Là, je savais qu'avec ça, j'allais t'avoir, j'allais piquer ta curiosité, Mathieu. Et en plus, cette plante-là, elle fait vraiment bonne figure. Elle est vraiment jolie et ça apporte une touche d'originalité à la décoration d'un salon, exemple. Tu sais, des fois, on va vouloir mettre des plantes un peu partout, mais on veut pas trop y aller avec des plantes en plastique, là. J'avoue que j'en ai quelques-unes dans ma chambre, mais je vais peut-être me lancer dans le terrarium, là. Tu sais, quand il faut que t'ailles épousseter tes plantes, c'est là, ça. C'est un peu dégueulasse. Ouais. Non. Là, sachez que vous pouvez tout simplement oublier d'arroser cette plante-là. Ouais. C'est merveilleux, mais c'est une plante qui vit pareil. Elle est, tu sais, elle est pas fausse, là. Elle est là. C'est quoi exactement? Bien, ce que ça prend, c'est des pierres, un peu de terre, de la mousse. Tout à l'heure, on parlait de la fameuse petite mousse à jardinage. Et une petite plante, OK? Une très, très petite plante. Et par la suite, vous avez vraiment les ingrédients de base pour un terrarium. Qu'est-ce que l'on fait à partir de ce moment-là? Eh bien, là, on va choisir un contenant en verre qui va nous plaire selon la grosseur que vous voulez, tout simplement. Un Pyrex. Bien, ça, il y a des gens qui en ont fait dans des ampoules. Ah, wow! C'est vraiment petit et ils en ont accroché à quelques endroits, exemple au-dessus de leur table de salon, et ça fait comme une espèce de luminaire, mais ce sont des plantes. Wow. Donc, à ce moment-là, on va vraiment y aller pour quelque chose qui est en verre. Et il y a quelques plantes que l'on... comment est-ce qu'on dit qu'on priorise à ce moment-là quand on veut faire un terrarium? C'est, exemple, le ficus, le poivrier du Japon, le phytonia ou encore la fougère. Ça, c'est vraiment des plantes qui s'adaptent vraiment très bien à ce type d'atmosphère-là. Et qu'est-ce qui fait en sorte que ça reste vivant pendant longtemps si on l'oublie de l'arroser, c'est l'humidité. Hey. Parce que le globe, ben pas le globe, mais comment dire, le vase en verre que l'on va utiliser va vraiment conserver l'humidité entre les roches, la mousse, la terre et la plante. C'est sûr qu'au moment où on va faire notre assemblage, on va le faire pour la première fois, on va y mettre de l'eau. Et c'est vraiment cette eau-là qui va garder l'humidité dans le vase et dans le contenant en verre, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment le garder très, très longtemps. Et c'est un environnement qui est assez suffisant et demande en moyenne 2 arrosages par année. Oh, wow! Alors, Mathieu, je pense que... Moi, je suis capable, ça. Moi, je pense que ça, là, ça s'attirait, t'sais. En changeant l'heure, mettons, ou en changeant la pile dans le... Exactement. Dans le fumé. Si ça serait pas pire. Ouais. Puis, si jamais vous voulez fermer le couvercle du vase ou quoi que ce soit, si jamais vous avez décidé de prendre quelque chose qui se ferme, bien, sachez que la plante doit être légèrement arrosée avant que vous le fassiez. Et l'eau qui va être aussi contenue dans la terre va être captée par les racines de la plante. Puis, à ce moment-là, c'est ce qui va aider la photosynthèse à pouvoir pousser avec la plante. Et il y a aussi la couleur de la mousse. Si jamais vous voyez que la mousse commence à être un petit peu sèche et qu'elle jaunit, bien, c'est que c'est le temps d'arroser à quelques gouttes la plante. Donc, c'est vraiment la mousse qui va venir vous indiquer à quel moment vous devriez peut-être arroser votre plante. Tu pourrais quasiment cracher dans le pot aussi. Oui, c'est ça. Pour être vraiment paresseux. Je vous dirais de ne pas automatiquement mettre la plante à côté de quelque part où c'est très, très, très, très, très ensoleillé, ouais. Parce qu'à ce moment-là, c'est sûr que ça va venir assécher peut-être un petit peu trop. Vous allez devoir l'arroser plus souvent et peut-être changer la mousse. Mais c'est vraiment une alternative, mm-hmm, à des gens qui ne pensent pas nécessairement à devoir arroser des plantes ou à prendre le temps de faire du jardinage sur son balcon. Tu sais, il y en a qui font du jardinage juste pour faire pousser des fleurs. Bien, faites-le avec ça, c'est super beau en plus. Tout dépendant du vase que vous allez utiliser ou de l'emballage en verre que vous allez prendre, c'est quelque chose qui peut très bien faire un centre de table, une plante à par terre ou encore, comme je le disais, quelque chose qui va venir du plafond. Suspendu! Voilà! Vous pouvez tout simplement suspendre quelques plantes et ça devrait être super beau aussi. Tout à l'heure, on parlait des légumes. Je vais vous parler rapidement de quelques fruits que vous pouvez faire pousser. Les cerises de terre, c'est super bon à faire pousser dans une petite jardinière en appartement. Ça aussi, ça ne demande pas beaucoup de soins et ça peut produire vraiment une très grosse récolte. Mmh. Donc, de ce côté-là, si vous aimez cette espèce de petite cerise de terre-là, bien, allez-y pour ça. C'est une super de bonne option et ça peut faire de très bonnes confitures, apparemment. Ah, ben, mmh, ben. Les fraises. Oui. Il y a plusieurs gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire pousser des fraises dans un jardin ou en appartement. Eh bien, sachez que vous pouvez très bien le faire. Et c'est le temps en ce moment pour les faire pousser, pour surtout les planter, là, tout simplement. Et ça va vous donner souvent une récolte entre mai et début août. Okay. Donc, on est dans ces moments-là. Là. Plantez-les. Mettez des fraises partout sur votre balcon. C'est bon. Mais c'est sûr que ça va demander beaucoup de soleil pour les fraises, mais ça peut vous donner une production qui est très, très, très généreuse. Et il y a deux types, en fait, de fraisier. Vous avez le fraisier qui est non remontant. Et là, celui-là, c'est vraiment entre mai et août. C'est que vous allez avoir une récolte. Et sinon, il y a le fraisier remontant. C'est-à-dire que la production de fraises est vraiment étalée dans le temps. Donc, vous allez avoir une première récolte qui va survenir une première fois autour du mois de juillet. Puis, une deuxième fois vers la fin août jusqu'aux premières gelées. Donc, allez-y tout dépendamment de quand vous voulez manger des fraises, mm-hmm, tout simplement. Quand est-ce que tu veux pas manger de fraises? C'est ça l'affaire, hein? Ouais. On sait pas trop. Moi, je pense que je mangerai des fraises tout le temps, c'est des fruits. À l'année, ben oui. Puis, il y a beaucoup de gens qui pensent que les fraises, c'est mauvais pour la santé, parce qu'on va aller le manger avec du sucre ou de la crème chantilly. Mais c'est un des meilleurs fruits pour la santé, apparemment. Mm-hmm. Donc, de ce côté-là, faites-en pousser sur votre balcon comme vous voulez. Oui. Je vais aller vous en têter. C'est ça. Je vais aller vous en demander. Ben, c'est pas le choix. C'est toi qui leur as donné l'idée. Ben oui. Fait que tu mérites bien un crédit là-dedans. Exactement. Une ristourne. Puis, faites... Tu sais, si vous voulez faire un jardin sur votre balcon, faites des recherches sur Internet. Il y a plein de sites Internet. Il y a plein de sites du style DIY, là, mm-hmm, do it yourself, qui donnent des trucs... Il y a plein... Tout à l'heure, je parlais de Pinterest. Allez chercher des trucs. Puis surtout, n'ayez pas peur de faire la recherche en anglais si vous vous débrouillez quand même bien. Parce que bien souvent, c'est en anglais qu'on va trouver le plus grand nombre de recherches et de sujets à la suite de notre recherche. Donc, vraiment, là, fouillez jusqu'à temps que vous trouviez tout ce que vous voulez et faites votre jardin comme vous le désirez, que vous soyez dans une maison ou un appartement. C'est-tu pas merveilleux, ça? Wow! C'est merveilleux. Un jardin sur ton balcon. Mais oui! Puis aussi, il y a l'option que vous pouvez y aller en hauteur. Hein? Vous pouvez mettre des... sur les murs. Des paliers de bois, là. Comment ça s'appelle? Des palettes de bois? Un séparateur. Oui! Oui, c'est ça. C'est ça. On avait déjà parlé de ça pour ceux qui ont des appartements avec un balcon qui est accessible par les deux voisins, oui, à côté de l'autre. Et voilà. Une petite rangée de plantes dans le milieu, puis il est venu connu, tu sais. Puis vous pouvez faire pousser vos tomates bien plus rapidement avec ça. Ben voilà. Tom, tom, tom. Ah, ah, ah. Un jardin sur le balcon. La semaine prochaine, tu vas nous faire un balcon dans ton jardin, c'est ça? C'est ça. Comment faire un balcon dans votre jardin? C'est pas un éléphant sur mon balcon. Juliette Renault, ça, non? Je sais pas, non. C'est la toune de l'éléphant. Tu connais la pas ça? La toune de l'éléphant. OK. Les croissants de soleil pour déjeuner. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Une nouvelle chronique la semaine prochaine. Ben oui, tout à fait. Pour Tania is gonna entertain. On est rendu à la prochaine pause musicale. Tiens, on va s'entendre une autre pièce, une autre nouvelle entrée du palmarès. On va aller du côté anglophone cette fois-ci avec Hooded Fang. Voici leur pièce Tunnel Vision. Assemblage requis. L'entrée de Hooded Fang en position numéro 20 anglophone. La pièce s'appelle Tunnel Vision. Au retour de la pause, on va être rendu enfin à une grosse pointe à l'adresse. Hein? Ça donne faim, ça? Oui! là, mais oui, dans mon studio de Nate. Ils font le frais en fumant mes cigares. Vraiment, il faut le voir pour le croire. Mes amis, venez à la maison. Il y a un éléphant sur mon balcon. Il avale tout mon bourbon. Assis sur mes fleurs, il siffle une chanson. Vous êtes assez tapé pour l'écouter. 89.9. Toujours à l'Assemblage Rocky pour la semaine du 23 mai 2016. C'est Talia Baudin. Avec Mathieu Blanc. Pourquoi est-ce qu'on avait un éléphant sur notre balcon déjà? Je suis pas capable de discipliner, mais. Non plus. Ça m'a déjà sorti de la tête. C'est à cause de ma chronique. Mais pourquoi déjà l'éléphant? Qu'est-ce qu'il y avait l'éléphant? Je me souviens plus qu'il y avait l'éléphant. On perd le fil avec le temps. Je pense qu'il fait trop beau. C'est la vieillesse. C'est la sagesse. C'est ça. On est donc sage. C'est pour ça. C'est pas par choix qu'on est sage non. En ce moment. On fait pas grand-chose. Bref, oui, toujours Assemblage Rocky, c'est toujours l'émission estivale en pièces détachées. Dans quelques moments, ce sera une grosse pointe d'adresse. Mais avant ça, on s'en va entendre une autre nouvelle entrée du palmarès francophone. Il y en a tellement qu'on sait plus où donner de la tête. Un groupe que j'aime beaucoup est de retour, Moussette. Un single qui s'appelle Ta chambre. On écoute ça à l'instant, Moussette, Assemblage Rocky sur Cifou. Tu m'aides avec mes équations, je te donnerai peut-être les indications qui mènent direct de l'autre côté du pont, dans la forêt où tout encore est bon. Y'a un peigne qui brille dans ton plancher. C'est sûr que tes tuiles sont dans le désordre. Ton sourire troué ton côté gauche. Au contraire de la symétrie de ta chambre. Manquera l'après-midi encore comme de raison. À cœur ouvert, on entend mieux le son. Le jour s'éclaire, la presque perfection. Y a des scènes de prise dans l'eau des murs. C'est sûr que c'est souvent là que l'on s'écrase. Si je passe du temps avec tes yeux, vais-je mieux connaître l'état de ta chambre? Dehors des mensonges, un espace pour que le temps se prolonge. Deux bouteilles, deux clous, deux bâtons. La neige qui entre,

Zéro lipide, une glucide. Une glucide. Et un gramme de glucide par trois. Par trois, oui. Puis un gramme de sucre par trois. Aïe. C'est une source négligeable de d'autres éléments nutritifs aussi. Tu vois, nous autres, on avait une chronique négligeable de TikTok aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est menthe fraîcheur, c'est vraiment très frais. Tu sais, comme j'ai les narines qui ont débloqué avec ça. Là. Tu penses quasiment que tu t'es genre lavé les dents, tellement que c'est sérieusement, amante, c'est comme même plus que me laver les dents. J'ai de la misère avec ces menthes-là. C'est pour ça que j'en prends 10 à la fois pour pouvoir vider le. Quand, ça, quand tu te les mets dans le joue, là, ouais. Exemple, tu les mets d'un côté pour pouvoir parler comme moi présentement. Et que tu les changes de l'autre côté, si tu vas passer ta langue de l'autre bord, t'es comme brûlé. Une gelure, une engelure. Exactement, une engelure de la tic-tac. Faites attention, n'en mettez pas 10 à la fois dans votre bouche comme Mathieu le fait. Que tester sur des humains et se rhabiller. Écoute, c'est nous qui faisons des tests. C'est ici. Fait, c'est vraiment pas bon. C'est fou 89 ans. Ça goûte juste la menthe dans ma bouche présentement. Là. Tu vois, je les ai pas aimés, c'est pour ça que je les ai pas goûtés avec toi. T'as-tu déjà fait le test à boire de l'eau en même temps que t'as 10 menthes à la menthe dans la bouche? En même temps, juste après. Essaye-le. Tester sur des humains. Ouh! Le petit vent de fraîcheur est encore plus présent. Wow. Ouh! Merci, Talia, de te sacrifier pour nous. Ça fait plaisir. Maintenant, allons-y pour la vraie portion importante de la chronique, c'est-à-dire les nouvelles de Fast Food. Commençons par une application qui s'appelle Adventure. Non, Picnic en fait. Picnic, c'est une application qui commande de la nourriture au hasard, l'envoie à un endroit au hasard et envoie un Uber pour t'amener à cet endroit-là. OK. Picnic, donc une application du développeur Max Goodman. Max Gentilhomme, son. Donc, il commande un repas d'un restaurant via... attends un petit peu. Oui, c'est ça. Qui commande un menu sur l'application Eat24, qui l'envoie à une adresse au hasard dans ta ville, qui va te commander un Uber pour venir te chercher et t'amener à l'endroit où la nourriture va être livrée. Ils ont fait une démonstration il y a quelques jours. On peut voir ça sur Twitter, sur assemblagerequis.com. Ça a commandé des dolmas, de l'eau de noix de coco et une omelette d'un restaurant libanais. L'a envoyé à une station-service et a commandé un Uber pour amener la personne à la station-service. Une excellente idée pour peut-être un premier rendez-vous, pour mettre du piquant dans votre premier rendez-vous. C'est vrai. Ça pourrait enlever peut-être un malaise. Ou manger 10 tic-tac chaque à la fois, là, vous allez voir. Pourquoi pas? Et que tu commanderais ça où, peut-être à un arrêt d'autobus? Clairement. Une station-service? Ben oui, absolument. Pourquoi pas? Ça rajoute un petit quelque chose, un petit imprévu, je te dirais. C'est vraiment cool. J'adore l'idée. Des omelettes dans un restaurant libanais, what? J'aime l'idée. Ensuite, on a parlé d'arc-en-ciel depuis les dernières semaines. Souvent, il y avait eu... qu'est-ce qu'il y avait eu d'arc-en-ciel? Une pizza arc-en-ciel? Du maquillage d'arc-en-ciel? Oui, il y avait eu aussi de l'arc-en-ciel dans un latte, je pense. Quelque chose comme ça. Oui. Donc ici, c'est du sushi arc-en-ciel. Ah, OK. Évidemment, c'est sur Instagram un petit peu partout. C'est japonais. Pourquoi pas? Donc, Sushi Saturday est le hashtag qu'on utilise pour ça. Et le Rainbow Sushi. Rainbow Unicorn Sushi à la licorne. Peut-être pas à savoir la licorne, mais inspiré par les licornes. Bon, là, il y a un super long texte sur Instagram parce que je pense qu'on peut pas faire de enter en tes paragraphes sur Instagram. Donc, deux tasses de riz à sushi non cuit, un quart de tasse de vinaigre de riz, deux cuillerées à table de sucre végétalien, un poivron à avocado bell pepper, un concombre, etc. Donc, on peut faire soi-même ces sushis arc-en-ciel-là en suivant la recette sur assemblagerequis.com. Hashtag Rainbow Sushi. Voilà. Ensuite, c'est une brasserie, un brasseur de bière qui développe des... tu sais, quand tu achètes des canettes de bière, tu vas avoir un petit truc de plastique là, autour. Et souvent, les bêtes marines vont s'égorger avec ce truc de plastique. C'est vrai. C'est pas super le fun. Donc, il y a une brasserie, un brasseur qui a développé ce truc-là de plastique mangeable pour sauver les animaux. Très bonne idée. Donc, c'est le Saltwater Brewery de Delray Beach en Floride qui a développé ces anneaux mangeables pour aider à sauver des animaux. C'est fait d'orge, de barley, qu'on appelle en anglais, donc de l'orge et des restes d'avoine. Voilà, qui viennent du processus brassicole. Et c'est 100% biodégradable. On ne sait pas encore si les mangers vont te rendre sous, demande l'article. Donc, à part être biodégradable et mangeable, cette technologie novatrice est aussi résistante et efficace que les emballages de plastique que ça remplace. C'est plus cher à produire, évidemment. Mais les clients, ça leur dérangera probablement pas de payer un petit peu plus pour savoir que c'est bien meilleur pour l'environnement et pour les animaux. Il devrait y avoir plus de compagnies qui encouragent ce genre de principe-là. Ça va pouvoir sauver des centaines ou des milliers, ça dit des centaines de milliers même d'animaux. Tout à fait d'accord. Marins. Voilà. Ensuite, En Italie, on a la plus longue pizza du monde. 250 chefs de pizza qui ont travaillé en shift, donc sur différentes cases horaires, de 100 personnes à la fois. On fait cuire la plus grosse pizza du monde à Naples, en Italie. Ça mesure 6082 pieds de long ou 1,15 miles. Pour référence, donc, c'est... C'est ça. Ça dit que faire cuire une pizza napolitaine prend 5 fours, évidemment, qui sont motorisés, des fours motorisés avec du bois et du feu à l'intérieur. Donc, on va faire cuire la pizza graduellement en la faisant rouler dessus. Une fois que le record a été confirmé, les visiteurs ont pu prendre une pointe de pizza ou un carré ou peu importe, et la pizza en surplus a été donnée à ceux dans le besoin. Ça a pris 2,2 tonnes de farine, 2,2 tonnes de fromage mozzarella, 3527 livres de sauce tomate, 250 livres d'huile d'olive, 66 livres, oui, de basilic frais. Tous les ingrédients sont venus de la région de Campania, aussi connue comme la maison de la pizza selon Guinness. Ça a l'air vraiment très, très bon en plus. Évidemment, moi, ces affaires-là de grosses cuisines en masse, mm-hmm. Ça me fait juste penser au virus des gens qui ont touché à ces, pizzas-là. Je trouve ça dégueulasse. C'est comme la plus grosse poutine du monde avec Planète Poutine il y a quelques... Je crois que c'est l'été passé. Moi, je trouve ça dégueulasse, mais bon. Tu vois que les 5 fours, la pizza, il va graduellement dedans. Donc, c'est quand même le fun comme principe à la place de faire cuire toute la pizza au complet en même temps. Je trouve ça quand même le fun. Allez voir la petite vidéo de Guinness World Records sur assemblagerequis.com. On continue avec un machine gun de fromage, en fait de boules de fromage. Hein? Ben Cusick, c'est un YouTuber qui s'appelle Nighthawk in Light sur YouTube. Il a posté une petite vidéo de son cheeseball machine gun qu'il a fait à partir d'un leaf blower, donc un souffleur à feuilles d'arbre. Voilà. Donc il a utilisé ça pour envoyer des boules de fromage, des boules comme des crottes de fromage mais en boules. Mm-hmm. Donc, il montre comment il a fabriqué ça. Et vous pouvez vous en fabriquer un, vous aussi, avec un pot de plastique avec des petits trous dedans. Et puis, en dessous, il y a des trous qui vont charger les boules de fromage dans le leaf blower. Et ça, tu peux envoyer ça le plus loin possible et peut-être dans la bouche de quelqu'un. Hey, c'est drôle. C'est quand même le fun. Donc, voilà. Ensuite, un autre, un spotted, le premier spotted de la journée. J'ai trouvé ça cool quand même comme idée. Et je me demande si on va voir ça ici aussi. C'est du plantain. C'est ouais. Comme des chips de plantain. Ouais, de bananes plantain. C'est, c'est des bananes genre bizarres, un peu plus petites. Mm-hmm. Et ils sont caramélisés et ensuite recouvertes ou enveloppées de chocolat noir. C'est aux États-Unis qu'on peut retrouver ça. Donc, c'est pas la compagnie en tant que telle. Je crois que c'est... Ah, c'est World Market. Dark chocolate with caramelized plantain filling bar. Donc, c'est des bars en tant que telles. C'est pas des, okay. C'est pas des chips, c'est des bars. Et à l'intérieur, il y a du plantain, des bananes plantain. Bon. Ça a l'air bon. Ensuite, McDonald's en Australie qui ajoute du brie, le fromage, et du fromage halloumi dans ses menus plus adultes, si on veut. On veut ajouter des goûts un petit peu plus matures. Donc, t'as le Tasmanian brie et le grilled halloumi. C'est dans leur menu Create Your Taste, donc le menu où on peut construire son propre hamburger avec les ingrédients qu'on veut. Brie, c'est un fromage d'origine française, fromage tartinable. Ici, celui-là est fabriqué en Tasmanie, par contre. Alors que halloumi, c'est un fromage mi-dur de Chypre, avec un haut point de comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Ça fond à une très haute chaleur seulement. Ah, OK. Donc, c'est plus facile de le faire griller. Parce qu'il va pas fondre tant qu'il n'est pas rendu une certaine température. Donc, c'est du fromage grillé dans un hamburger. On s'imagine que ça doit être assez excellent. Le halloumi est disponible comme alternative au filet de poulet ou à la boulette de bœuf. Les gens mangent ça des fois pour remplacer leur viande dans leur hamburger. Ah, ouais. Vous pouvez aller voir le halloumi en pleine action sur assemblagerequis.com. Mais c'est vraiment cool. Ça fait comme des galettes grillées vraiment de bord à l'autre. Super beau. Ils ont aussi ajouté un nouveau poulet croustillant gourmet avec un mélange d'épices Sichuan. Pourquoi pas? C'est un petit menu un petit peu plus international qu'on a en Australie. D'autres ingrédients aussi dans leur menu Create Your Taste, il y a de l'aïoli à la lime et au chili, t'as des betteraves en tranches et t'as des ananas grillés. Ah, OK. Miam, je mettrais de tout là-dedans. Sérieusement, des ananas grillés, c'est tellement bon. Oui, et je te jure, quand j'étais jeune, les pizzas hawaïennes, je trouvais non ça dégueulasse, mais de nos jours, Colin, que ça me donne envie d'en prendre une. C'est vrai, hein? Pizza hawaïenne avec de l'ananas grillée, là, miam, miam, miam, miam. Mm. Ensuite, on essaye quelque chose de nouveau dans un restaurant de tacos. C'est le grilled cheese taco, En fait, je crois pas que ce soit dans un restaurant, c'est quelqu'un qui crée une recette. Voilà. C'est Dan Whalen du blog The Food in My Beard. Un titre que je trouve dégueulasse, la bouffe dans ma barbe, wesh. Donc, il y a eu un moment d'inspiration qui a mené à la création du grilled cheese taco. À la place de prendre un tortilla ou une coquille, Dan fait un grilled cheese avec du pain tranché. Il va remplir ça du contenu d'un taco normal. Donc, le goût revient au goût d'un taco. Fromage grillé, de la viande, genre du bœuf, etc., de la laitue, pico de gallo, tomate, etc. Et après ça, il vient le replier sur lui-même. Dans le fond, il fait un grilled cheese dans du pain. Mm-hmm. Et il va replier ça comme pour faire un taco. Il va mettre la garniture de taco à l'intérieur. Donc, il va mettre tous les ingrédients, la petite laitue sur le dessus, crème sûre. Oh. Et ça fait un taco grilled cheese. Grilled cheese taco. C'est une bonne idée, ça. Ça a l'air magnifique. Allez voir les photos. Et la recette, si vous avez vraiment besoin de ça, sur assemblagerequis.com. Pizza Hut va essayer une croûte à infusion de bière. OK. À partir de cette semaine, au Royaume-Uni, chez Pizza Hut, on va tester cette croûte de pizza à la bière au Pizza Hut de Londres. Dans plusieurs, en fait, Pizza Hut de Londres, je crois. Les clients vont pouvoir visiter un Pizza Hut le vendredi et mentionner la phrase secrète « I like it hop ». Donc, j'aime ça chaud, mais chaud hop comme dans du houblon, c'est comme un jeu de mots. Ouais, c'est ça. Alors, serveur, et ça va être donc une pâte de pizza à infusion de bière. Ça va être disponible en deux saveurs, Steak Feast et The American Hot. On ne connaît pas encore la description exacte de ce qu'il y a à l'intérieur de ces croûtes-là, mais le directeur du marketing, la directrice du marketing chez Pizza Hut au Royaume-Uni, Catherine Austin, a expliqué le choix au journal The Mirror. On dit que les bières de microbrasserie sont très populaires en ce moment et ils célèbrent ça en ajoutant non seulement de la bière de microbrasserie à leur menu, mais aussi en ajoutant de la bière dans leur pâte à pizza. Ça a pris leur équipe plusieurs heures pour perfectionner la recette et la combinaison de saveurs, mais tout leur travail a définitivement été un succès parce qu'ils sont très heureux du résultat. Ils ont très hâte que les clients l'essaient. Ça va être offert dans plusieurs endroits au Royaume-Uni si les gens aiment ça. Donc pour l'instant, c'est seulement à Londres, mais si ça a du succès, ça va aller ailleurs au Royaume-Uni et peut-être au-delà, peut-être en Amérique du Nord un jour. Probablement qu'il va falloir une carte d'identité comme pour leur alcool qui vendent de la bière là-bas. Ensuite, un autre spotted que j'aime beaucoup et que j'aimerais donc pouvoir essayer ici probablement un jour parce que c'est encore une marque internationalement reconnue. On connaît tous Reese's. Mm-hmm. Reese's. Reese's chocolat, beurre d'arachide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas mal ça finalement. Mais cette fois-ci en cream puff. Ah, ben oui. Tu sais les cream puff avec la crème dedans là? Oui. Qu'on aime donc ça, c'est congelé dans le domaine du congelé. Donc avec, c'est dit, pâtisserie délicate remplie de beurre d'arachide Reese's. Une crème à saveur de Reese's fouettée et enrobée de chocolat. Oh, ça a l'air Dieu. Délicieux. Wow. Ça a l'air vraiment bon. Que j'aimerais donc essayer ça. Et dans le même genre, toujours par la même compagnie, je crois que c'est Hershey's qui fabrique Reese's, peu importe, mais ils ont aussi sorti aux États-Unis les Hershey's Creamfield Mini Eclairs, donc c'est des éclairs de chocolat miniature remplis de crème, pâtisserie délicate avec de la crème fouettée et du chocolat Hershey, chocolat au lait, bien sûr. 4,50$ américains ou 4,98$ américains pour la version Reese's aux États-Unis, chez Walmart. Maintenant, je ne savais pas que ça existait. En fait, ça n'existe plus, on ne peut plus se procurer, mais c'est dans le passé, on avait aux États-Unis les Sun Chips à saveur de cannelle. Ok, ça? Oui. Un peu comme ici, on a déjà eu des chips à la cannelle dans les concours de Lay's. Oui, c'est vrai. Mais apparemment, ça existait aux États-Unis pour les Sun Chips, je ne savais pas. C'est sorti en 2007. Je sais pas si c'était bon, hein? Je sais pas. On dirait que j'ai comme un doute. Moi, j'ai beaucoup aimé celle de Lay's. Ah oui? À la brioche, j'avais trouvé ça vraiment bon. Pour vrai, ceux qui trouvent pas ça bon, c'est ceux qui ont l'habitude de manger des chips salés. Ouais. Mais quand tu ouvres tes horizons et que tu prends pas ça pour une chip salée, que tu dis juste que c'est une collation, en tant que tel, il y a rien de mal là-dedans. Et la texture d'une Sun Chip, c'est toujours une des meilleures. Mm-hmm. Ça a duré environ un an et demi. Un an environ. De 2007 à probablement 2008. C'est peut-être revenu, nous dit le site, dans les années suivantes. Donc l'article n'est pas super, super renseigné dans ces informations. Mais on veut leur faire confiance. Ça s'appelle les Sun Chips Cinnamon. Il y avait aussi une autre version qui s'appelait Cinnamon Crunch Sun Chips. Mais c'était une autre chose. Ah. On revient chez McDonald's qui va offrir des œufs bénédictines à Taïwan. Ah ouais? Oui, les fans de sauce hollandaise et de McDonald's pourraient voyager à Taïwan où la chaîne vient d'amener les nouveaux œufs bénédictines. Ça fait partie du menu Big Breakfast Platter, donc okay. Assiette déjeuner. La version chez McDonald's est pas mal un œuf McMuffin ouvert avec de la sauce hollandaise, avec c'est en vedette dans leur Double Eggs Benedict Big Breakfast qu'il faut commander. Dans le menu de déjeuner, ça veut dire que ça contient une moitié de muffin anglais avec du bacon canadien, c'est du jambon, un œuf cuit de la sauce hollandaise. L'assiette vient aussi avec une salade saisonnière ainsi qu'une option combo en ajoutant une patate déjeuner et une boisson chaude ou froide pour 99 NT, donc 3,02 $ américains. Le combo coûte 3,93 $ américains. Le Double Eggs Benedict Big Breakfast est disponible jusqu'au 13 septembre. Donc c'est un menu estival d'œufs. Je comprends pas trop pourquoi c'est un menu estival. Maman, ça pourrait être à l'année longue. Même si on s'attend pas à ce que ce soit de la grande restauration. Là. Non, c'est ça, on s'entend. C'est pas d'autres restaurants qui ne font que des déjeuners, mais quand même, je l'essaierai, pourquoi pas. Ils sont capables de faire des bons œufs McMuffin. Le McCrepe est très bon aussi, donc pourquoi pas. C'est vrai. Il y a un café Organic Valley Coffee Shop qui vend du half and half, du moitié-moitié, avec du café gratuit. Tu sais que le half and half, c'est moitié lait, moitié crème. Oui. Hein? Donc, ils veulent vendre ça. C'est la compagnie Organic Valley qui a ouvert un petit pop-up coffee. Donc, un café coffee shop. Un café pop-up, ça veut dire qu'il est temporaire, qui va fermer bientôt. C'est à New York. Qui vendait seulement du half and half, mais on pouvait ajouter du café gratuit dans leur bar à condiments. Donc, le bar à condiments, c'était le café. C'est comme le contraire, tu sais. Oh. À place d'avoir le bar à lait pour ton café, c'est le bar à café qui va avec ton lait qui est le produit principal. Mon comprends? Dieu, d'accord. Donc, la boutique est ouverte à Nolita. Ça, c'est le North of Little Italy. C'est un quartier dans le bas de Manhattan. C'est ouvert depuis avril. Ça offrait donc trois grandeurs de half and half. T'as le Little Bit, le Double et le Lotte. Ils chargeaient 2 $ par half and half, peu importe la grandeur. Donc, c'est un peu comme un thé. Tu payes pour le thé, peu importe la grandeur de tasse ou de verre que tu prends. Selon le barista en chef, qui s'appelle dans leur cas le Head Cream Barista, donc un barista de la crème, ils disaient que ça avait du sens d'ouvrir leur propre café qui focus seulement sur ce qui est l'ingrédient le plus important, c'est-à-dire le lait et la crème. Vous pouvez voir la boutique en action sur assemblagerequis.com. Je pense qu'on peut se permettre d'en écouter un petit bout. If you want a quality product, si vous voulez un produit de qualité, il faut choisir les meilleurs ingrédients. Great coffee isn't just made, it's milk. Le café n'est pas si important que ça. L'important, c'est le lait. Ils parlent des vaches, ils parlent de leur gazon, ils parlent de leur... On a un très bon mélange de gazon à faire à nos vaches. Ah oui, ça goûte le gazon, puis il se met à goûter le gazon. C'est quand même humoristique. Notre half and half fait le meilleur café depuis des années. Donc, c'est ça, ils ont ouvert un petit café là, à New York. Là, c'est tout cute, tout mauve. Mais en tant que tel, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça. Leur lait est dans des seaux avec de la glace pour vraiment réfrigérer ça. Ah, d'accord. Et là, vous ajoutez le café. Il dit que c'est très important d'ajouter le café par-dessus le lait. Hein? Et là, au bar, t'as vraiment les petits contenants de café qui sont ajoutés, un petit peu comme les contenants de crème qu'il y a dans les cafés des fois. Oui, ben oui. Les petites cruches, ça fait le même principe. Hein? Le meilleur café du monde. Et là, c'est leur publicité, c'est leur lait. Donc, le meilleur café du monde, c'est leur lait. Est-ce qu'on se comprend là-dessus? Ensuite de ça, on était rendu à la prochaine nouvelle de fast-food dans une grosse pointe en dresse. C'est chez Burger King maintenant qu'on sert un cône de crème glacée rempli de sirop en Espagne. Okay. Ça a l'air délicieux. Ça s'appelle le cono relleno, ce qui veut dire donc un cornet rempli ou fourré, si on veut. Ça contient donc... C'est un cornet sucré, bien sûr, avec à l'intérieur votre choix, soit de dulce de leche, ça c'est un genre de caramel, et du sirop de chocolat. Et ensuite, on ajoute de la crème glacée soft serve, donc de la crème glacée molle par-dessus, très, très, très sucrée. Et une fois que tu as mangé ta crème glacée, tu as vraiment le cornet rempli au complet de la saveur que tu désires. Ça coûte 1,12 $ américains, et Burger King en Espagne offre beaucoup plus de façons de savourer leur crème glacée, à part les sundaes et les cornets, ils ont aussi... des brownies et des gaufres, un dessert qui ressemble un petit peu à un McFlurry aussi qui s'appelle le King Fusion, et de la crème glacée molle servie sur du café. Imagine, tu prends un café, t'as de la crème glacée, tu es comme un flotteur. Ouais, c'est ça, c'est automatiquement ça. Ah, ça a l'air génial. Ensuite, t'as probablement remarqué, attends un peu, qu'est-ce que j'avais mis là-dedans? Je cherche les produits que j'avais choisi pour cette ah oui, c'est ça. T'as probablement goûté à de la Mice Hard Lemonade. C'est de la limonade alcoolisée. Attends, non. Je crois que oui, je crois que j'ai déjà goûté à ça. Leur logo, c'était comme un gros citron avec le mot Mike's dedans. Bref, ils sortent une nouvelle saveur de Hard Lemonade, mais au melon d'eau. OK. Aux États-Unis, donc une nouvelle saveur saisonnière de Mike's Hard Lemonade. Ça s'appelle Mike's Hard Watermelon Lemonade. Et c'est disponible aux États-Unis en ce moment. On espère voir ça ici aussi. Mais au melon d'eau, tu peux pas manquer ton coup pour rafraîchir avec de l'alcool. Alcool et melon d'eau, un bon mélange. Un autre spotted, c'est les Mentos au caramel. Disponible c'était disponible en Europe depuis quelques temps. C'est nouveau aux États-Unis, donc on va sûrement avoir ça en Amérique du Nord, plus vers le Nord, Canada et autres. Donc, il y a aussi version caramel, version menthe et chocolat noir aussi, donc des Mentos. J'aime bien les Mentos, moi. Mais j'aime les Mentos, mais on dirait que ça fait pas avec du caramel ou du chocolat à l'intérieur. Tu vois, parce que t'es fermé d'esprit. Tes chips sont tout le temps salés et tes Mentos tout le temps sucrés, hein? Ben non, c'est parce que c'est mou, des Mentos. Ouais, mais du caramel mou. T'aimes pas ça, le caramel mou? Ouais, mais comment il fait pour tenir? Ça doit fondre? Ben, j'imagine que c'est plus saveur de caramel que d'autres choses. Ouais, OK, peut-être. Pour moi, c'est pas du vrai caramel. C'est OK, ouais, ça doit être ouais. Ça. Donc, c'est marqué caramel et chocolat. Pourquoi et voilà. Okay. Ensuite, Pizza Hut. On revient chez Pizza Hut qui lance... Tu sais, est-ce que tu connais chez Pizza Hut leur gros biscuit fondant Hershey's? Oui. Il est vraiment super bon. C'est servi chaud. J'adore. À chaque fois que je commande du Pizza Hut, je commande ce biscuit-là. Maintenant, ils ont une nouvelle version Toasted S'mores. Oh. Oui, c'est donc leur version du classique des feux de camp. Hershey's Toasted S'mores Cookie. C'est valable pour un temps limité. Le nouveau dessert, c'est évidemment le biscuit au chocolat chip de Hershey's. Avec par-dessus des guimauves, mini guimauves, des morceaux de barres de chocolat Hershey's, c'est le chocolat au lait, ouais, et des morceaux de biscuits Graham sur le biscuit. Waouh! Ça coûte 7$, ce qui est vraiment 1$ de plus que le biscuit qui est déjà très cher. Chez Pizza, c'est comme, il me semble, c'est. Je pense que c'est 5$ canadien, peut-être même 6. Donc s'il rajoute 1$ et quelques de plus, ça va être un gros biscuit super cher. C'est fait pour être partagé. Moi, je te dirais que ça me prend 2 soirs, puis j'ai fini le biscuit. Au moins. C'est pas la première fois qu'on offre une variante chez Pizza de leur. Dessert préféré. Ils ont aussi donné un petit traitement à brownies et guimauve l'année passée avec le hot chocolate brownie. Mais c'est la première fois qu'ils offrent leur toasted s'mores cookie. Mm. Ensuite, ça m'intrigue pas mal parce que j'avais jamais entendu parler de ça jusqu'à genre hier, puis je comprends comme pas ce que c'est supposé être. On va lire l'article. Ça s'appelle le Pepsi Strong 5,0 GV. Okay. Qui amène les bulles à un nouveau niveau, disent-ils. C'est au Japon. Qui va augmenter les rotes, nous dit-on, avec un Pepsi super carbonisation nez. Donc, un Pepsi Strong 5.0 GV offre 5 fois plus de carbonisation qu'un Pepsi typique. Et ça vient en bouteille renforcée. Coudonc, l'anglais a de la misère aujourd'hui. Renforcée. Ils l'ont rendu plus forte, la bouteille, plus résistante. Donc, c'est ça, c'est... C'est disponible en 2 variétés, Pepsi Strong 5.0 GV en bouteille de 420 et de 490 ml et une version de Pepsi Strong sans sucre 5.0 GV 0 qui va être disponible seulement en bouteille de 490 ml. La date de lancement est le 21 juin. La compagnie va offrir des bouteilles gratuites aux 10 000 premiers fans qui vont se connecter sur le site promotionnel via Twitter et 5 000 à ceux qui suivent le compte Suntory Line Facebook. D'ici 17h le 6 juin, il faut évidemment vivre au Japon pour profiter de l'offre. Mais 5 fois plus de bulles. La saveur en tant que telle va être, j'imagine, la même. Ouais, sûrement. Ça va juste pétiller plus, mais c'est malade. Mais tu veux-tu vraiment plus avoir des tu sais? Oui. Ah, ok. J'aime ça quand ça me sort du nez, les bulles. Ah, ok. Puis un gros. Mais imagine le rock, là. Moi, je bois pas de liqueur à cause de ça, j'ai ouais. ici. J'en bois moins qu'avant, je bois plus de liqueur diète, là. Mais j'essaierais facilement le Pepsi Strong. Ouais. On dirait que le marketing, je suis pas sûr. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Ouais, comment tu veux vendre ça, c'est plus de bulles? Je sais pas. Mais en même temps, ils ont réussi plus à vendre de plaisir. La... Ben, peut-être. Ils ont réussi à vendre la... C'est quoi la bière Molson M? Qui était genre... Des plus petites bulles, c'est quand même mon sens ah, sac. Ouais, ouais tu te rappelles pas? Je sais pas, non, je me souviens pas. Il y avait des bulles sur leur emballage puis sur leur publicité. C'était comme bizarre. Enfin. Hmm. Bref, intéressant. Le prochain article, je l'ai mis. Je me rappelle d'avoir vu un article qui venait un petit peu débunker ça, dire que c'était pas nécessairement tout à fait vrai. Mais c'est une assiette qui vient absorber les calories de la nourriture. OK. C'est l'agence publicitaire BBDO Bangkok et le gouvernement thaïlandais de la santé, la portion santé, qui ont créé l'Absorb Plate, qui dit que ça va absorber en moyenne 7 ml d'huile ou environ 30 calories en moyenne des repas qui vont être placés sur l'assiette. L'assiette est basée sur une éponge qui utilise 500 trous perforés pour retirer l'huile ou donc le gras et les calories. On espère que ça va combattre le problème de l'obésité du pays en réduisant les calories de la cuisine thaïlandaise qui est particulièrement huileuse. Ouais, vraiment. Oui. En ce moment, les assiettes sont toujours au stade du développement. Il n'y a pas de date de sortie prévue. Par contre, ça va absorber autant l'argent que l'huile parce que ça va coûter cher, dit-on. C'est clair. Leur petite vidéo YouTube de 2 minutes environ vous montre la cuisine thaïlandaise et vous montre le gras qu'il y a là-dedans. Et après ça, on montre l'assiette qui absorbe et on voit que ça pénètre dans les petits trous. 500 trous, en fait. Ça réduit jusqu'à 7 millilitres de graisse par assiette. Approximativement 30 calories par assiette. Et c'est pas mal ça qu'il y a à dire là-dessus, mais l'idée est quand même pas mauvaise. Non, c'est ça, c'est pas mauvais comme idée, là. Même si ça enlève pas tout le gras, au moins ça en enlève un peu. C'est mieux que rien. C'est intelligent, c'est très intelligent. Ça s'appelle Absorb Plate. Ensuite, un gigantesque biscuit chinois, ou Fortune Cookie, comme on l'appelle en anglais, pour... En fait, 20$ pour l'emballage de combien de biscuits? C'est sur thegravit.com. On a... attends un petit peu. T'as chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, le design que tu peux choisir. Ça dit pas le nombre de biscuits, hein? Non. Je pense que non. Ça inclut un seul... OK. Ça inclut un seul biscuit chinois d'environ 5 pouces de diamètre. Et puis, c'est ça. C'est dans le fond, c'est couvert d'un genre de coulis de chocolat avec des noix. Donc, d'un côté, t'as comme un coulis. De l'autre côté, c'est vraiment... du chocolat avec des noix. Complètement chocolaté avec des noix dedans. 20$ pour un seul biscuit chinois. Je trouve ça vraiment beaucoup trop cher. Ça a l'air tellement gros là, comme morceau. Oui, ça a l'air génial. Et il y a plein de saveurs que tu peux avoir aussi. Tu peux avoir des petits sprinkles. Tu peux les avoir dans, avec des petits biscuits à des petits bonbons à gâteau. Tu peux l'avoir avec du caramel par-dessus. Tu peux l'avoir trempé d'un côté, trempé des deux côtés. Plein de façons de faire. Tu peux avoir aussi un petit glaçage genre plus vanillé, mettons. Et tu as le choix aussi du biscuit en tant que tel. Donc, plein d'options. 20$, c'est fait à la main. C'est pour ça. À partir d'ingrédients naturels. Formé à la main, trempé dans du chocolat à la main. Vous pouvez ajouter votre propre message à l'intérieur aussi. Ou peut-être être surpris par un message donné au hasard si vous ajoutez pas de message sur la page. Donc, peut-être comme cadeau de quelque chose. Là, cadeau d'anniversaire, de mariage, de couple, de peu importe. Là. Ça pourrait être la fin. Voilà. Ensuite, Cinnamon Toast Crunch, tu connais les céréales croque-cannelle, qui rend l'idée de manger des céréales en hoverboard un petit peu plus pratique. OK. Tu sais, les hoverboards sont bien à la mode en ce moment. Les jeunes ont toutes leurs petites planches là, qui vont prendre en feu dans leur chambre à coucher éventuellement. Donc, General Mills a décidé de les rejoindre avec une publicité qui met en vedette le Cinnamon Toast Crunch Cruiser, qui est comme un hoverboard équipé d'un piédestal avec un bol pour pouvoir mettre tes céréales dedans. C'est tellement stylé. C'est n'importe quoi. La vidéo promotionnelle montre que c'est pas disponible pour le public, bien évidemment, et que c'est un professionnel qui est sur l'appareil en ce moment. Donc, General Mills a dit sur son blog qu'il y avait 5 modèles qui étaient testés par des fans. Même si c'est pas en vente pour l'instant, ce qui dit que peut-être que ça pourrait être disponible dans le futur. Donc, le hoverboard a un manche. Habituellement, les hoverboards n'ont pas de manche. Ouais, non, c'est vrai. Donc, ils ont ajouté le manche et en plus un bol par-dessus. Mais j'avoue que c'est mes céréales préférées, les Cinnamon Toast Crunch. Je sais pas si je les mangerais en mouvement, je voudrais savourer la saveur. Je voudrais m'arrêter. Tu as tellement tout échappé, oui. Ben oui, mais c'est il y a comme un gyroscope et tout ça dedans pour que tu tiennes droit. Fait qu'en tant que tel, c'est supposé tenir l'angle droit, mais. Ok. Je sais pas. J'adhère pas, je suis désolée. Non, hein. Breakfast in the Fast Lane. Déjeuner dans la voie rapide. Ensuite, c'est un café servi dans un cornet qui a l'air délicieux et qui est aussi photogénique pas mal. Ouais, hein? C'est The Grind Coffee Company à Johannesburg, en Afrique du Sud, qui est devenu célèbre sur Instagram pour leur breuvage de café spécialisé. C'est un petit latte servi dans un cornet de crème glacée couvert de chocolat. C'est Dane, Levin Rad, barista, qui a trouvé cette idée-là, le coffee in a cone, et qui a rendu la boisson très populaire, tellement que les gens de partout dans le monde viennent goûter et prendre une photo de cette boisson. Levin Rad dit que le cornet est un des breuvages les plus populaires sur Instagram, et le hashtag Coffee in a Cone a plus d'un million de photos jusqu'à maintenant en 2016. Allez voir ça, et peut-être que vous pourriez vous en faire vous-même, parce qu'en tant que tel, c'est du chocolat qui est fait pour être chaud, et on peut l'acheter ce chocolat-là, il me semble, pour que... Je pense que oui. Comme pour les shooters qu'on avait dit tantôt. Ouais. Donc un peu le même principe, du chocolat qui reste dur et qui ne fond pas aussi rapidement. Pour boire votre café latte, évidemment, tu peux pas le mettre sur la table, fait qu'il faut que tu le boives d'une gorgée, hein, je pense. Faut que tu le gardes dans ta main. Allons-y, il nous reste deux nouvelles. Tiens, Taco Bell qui va tester un nouveau, une nouvelle façon de placer ses boutiques, ses restaurants, ses cafés. Hein? Taco Bell, donc, il veut changer un petit peu les choses avec leur franchise en Californie qui s'appelle The Irvine. Non, c'est ça, The Irvine, ou c'est basé dans la ville de Irvine en Californie? Bref, ils vont tester quatre restaurants distincts, quatre designs dans leur restaurant de Orange County à partir de cet été, selon Ad Age. Les modèles avec de la lumière, des meubles, beaucoup de lumière, oui, c'est ça, des lumières qui pendent du plafond, des meubles en bois, des accents de couleurs qu'on n'a pas habituellement dans leur 7000 Starbucks Taco Bell aux États-Unis. J'ai dit Starbucks parce que ça ressemble vraiment plus à un Starbucks qu'à un Taco Bell. Oui, c'est vrai. Donc, leur modèle s'appelle Urban Edge pour le premier. Ensuite, Modern Explorer, California Soul et Heritage. Jusqu'à maintenant, ils ont essayé de changer leur look et ça a été assez bien reçu chez Taco Bell. Leur modèle Cantina à Chicago et à San Francisco a eu des critiques positives à l'automne dernier. On avait déjà parlé de ça à l'émission. Si les nouveaux tests ont du succès, Taco Bell devrait prendre de l'expansion avec ces modèles-là dans d'autres marchés. Et Atlanta serait le prochain endroit qui serait considéré pour l'expansion. C'est ça, mais en tant que tel, le menu n'a pas l'air de changer tant que ça. Ils ont aussi ouvert un magasin qui n'avait pas le nom de Taco Bell, qui s'appelait The US Taco Company à Huntington Beach en Californie. L'expérience s'est terminée lorsque ça n'a pas eu de succès. Ils ont fermé les portes du restaurant, donc ça ne veut pas dire que parce qu'ils ouvrent ça que ça va continuer. Et même s'ils ont un moyennement de succès, ils pourraient choisir de revenir à un Taco Bell normal plus tard dans cette même place. Donc on va surveiller le projet. Et finalement, vous pouvez manger un repas en quatre assiettes, quatre services au sommet de la plus grande roue de la France. Tu sais, les grandes roues, comme à l'Expo. Donc, si vous visitez Paris, que vous avez besoin de plus que juste une belle vue, vous avez besoin de manger aussi. Selon Yahoo, la célèbre grande roue de 200 pieds de hauteur à Paris, à la place de la Concorde, ça s'appelle littéralement la grande roue, va être transformée en un restaurant pop-up dans le ciel pour environ 400 foulies. En fait, ça a déjà été fait, là, c'était le 19 mai dernier. C'était Dinner Amongst the Stars, donc dîner parmi les étoiles. C'était grâce à une compétition de jeunes chefs. Es Pellegrino Young Chef Competition. C'est un tournoi annuel qui cherche l'identité du meilleur talent culinaire qui a moins de 30 ans sur la planète. OK. C'est quand même spécifique, hein? Récemment, plus de 3000 applicants ont été réduits jusqu'à 20 finalistes, selon Eater. Les jeunes chefs allaient éventuellement compétitionner dans une grande finale en deux jours à Milan. Mais avant ça, on a donné aux Parisiens un petit avant-goût de ces talents-là, de ces chefs culinaires, en faisant un repas, quatre services offerts sur la grande roue. Voilà. C'est donc bien compliqué, c'est français. Oui, c'est super le fun. Il y avait aussi le mentor de la compétition qui s'appelle Yannick Alleno, qui a reçu une étoile Michelin. Tu sais que c'est bien rare, les étoiles Michelin, dans le domaine de la restauration. Les deux chefs ont concocté des repas dans une cuisine pop-up qui était installée au pied de la grande roue. Et ensuite, ils donnaient ça aux personnes qui étaient invitées. Et on les faisait entrer dans les 48 cabines de la grande roue. Et on montait en haut et on allait manger complètement en haut de la grande roue. Voilà. Les réservations étaient disponibles en ligne. Première arrivée, premier servi entre 19h et 21h30. Voilà. Il fallait booker pour au moins deux personnes. Non, juste deux personnes. Pas moins, pas plus. Ah, OK. Voilà, c'est tout pour une grosse pointe d'adresse. C'était pas mal le stock, ça? Ouais, pas mal. Pas mal le stock. Est-ce qu'on retourne entendre de nouvelles entrées? On pourrait très bien. Mm-hmm. Pourquoi ne pas aller entendre une pièce du côté anglophone? Est-ce que tu vois la pièce qui s'appelle L Beach? Ou le groupe qui s'appelle L Beach? Non. Non? Je n'ai pas ça. L Beach, attention, attention. Oui, c'est du côté francophone. Oui. C'est les Liminianas. Et voilà. Les Liminianas, voici L Beach, assemblage requis sur ses fous. Et après ça, on va se dire au revoir pas mal bien. Ben ouais. Le soleil a tombé par terre, brûlant comme à la moricière. À la surface de l'horizon, je contemple la situation. Je vois le ciel incandescent, le blanc du sable étincelant. Je vois passer le troisième âge, les obèses et les enfants sages. Sur la plage en ébullition, des glacières de compétition, une profusion de pastèques, des filles qui ondulent en chanclettes. Vêtue d'un maillot de panthère, j'ai pris mon allure de croisière. Allongé sous un parasol, je m'attends. mâche des graines de tournesol. C'est l'heure où le long du rivage, les Allemands sont en nage. Voilà que commence le défilé des Malabar en bijoutés. Dans l'air flotte un parfum étrange, d'eau de lavande et de beignets. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Les Liminianas avec El Beach, assemblage requis. C'est là-dessus que se termine presque l'émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Est-ce qu'il y a des activités à venir? Est-ce que, à part le baseball? Ben, il y a du baseball ce soir. Ça commence à quoi? 18h50, Mathieu? 18h55. Pour les auditeurs du mardi, on est le 24 mai. Je crois qu'il y a du baseball mardi, mercredi et jeudi. Après ça, il y a comme 6 jours de congé. Exactement. Pour l'horaire des matchs qu'on couvre sur nos ondes. On couvre les matchs locaux ainsi que les matchs en direct de Québec. Allez voir le calendrier sur les Aigles TR. Et je confirme que c'est bien et bien mardi, mercredi et jeudi. Après ça, ils s'en vont dans le New Jersey. Oui! Voilà. C'est sur nos ondes à 18h55 pour l'avant-match et après ça à 19h05 environ pour le match. Et ça dure jusqu'en soirée. Allez voir la programmation sur cif.ca. Elle va être mise à jour plus tard aujourd'hui, en fait, pour les horaires des émissions qui changent de jour. Ah, les ben émissions oui, qui sont déplacées, c'est pas encore mis sur le site, donc je me pense. Nouvelles aussi, on parlait de nouvelles en piste avec Tania Baudin, maintenant oui. En balado diffusion sur le site d'Assemblage Requis. Donc, si jamais vous n'avez pas eu la chance d'écouter en piste avec Tania Baudin mercredi passé, bien, elle est disponible sur le site internet d'Assemblage Requis. Teamwork! Et voilà! Teamwork! Restez sur nos zones pour le baseball. Sinon, cif.ca, comme j'ai dit, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On se quitte avec une pièce de Marie-Ève Roy qui s'appelle Ton appel. À la semaine prochaine, mardi 15h, samedi midi, dimanche 10h. Bye tout le monde! Bye!